Yadiyam, Valadidiyam, Validitayam. Vivre et créer à la montagne. Première mission de 2022. Meilleurs vœux. Validitayam, validay, validadidiyam. Ce soir, pour la première émission de l'année sur le Créer la Montagne, je vous emmène dans deux directions. Réseau d'être qui a fait une édition consacrée à l'Université Populaire qui sera lancée en 2023. Et il y a eu tout un atelier de réflexion qui s'est lancé le 7 janvier dernier, il y a 8 jours, et je vous en donnerai des extraits notables sur cette vivacité de réseau d'être, sur cette volonté de refaire vivre la région. Alors, il y aura deux parties. La première partie est tout de suite, qui normalement devrait nous parler du rendu du Parlement éphémère. Le Parlement éphémère a eu lieu déjà en 2018. Tous en est réseau d'être, d'où sont nés aussi les 10-12, enfin, il y a deux ans, et d'où sont nés Transhumance, poétique et culturelle, 1 et 2, 20 et 21, pour réveiller la culture, réveiller la belle au bois dormant, comme le disait Marion. Et puis, nous aurons en finale, je vous passerai en finale, c'est les conclusions et les déterminations qui se sont présentés. Voilà. Je regarde effectivement mon tableau. Voilà, voilà, voilà. Donc ça devrait marcher ce soir. On a regardé le Parlement éphémère avec des résolutions, bien sûr, très généreuses. Et là, Marion Garnier et Philippe Vallée nous ont demandé de traduire ça en scénette, en sketch. Alors nous, on avait pour ordre consigne de traiter ça en clown, acrobatie et jonglage. Voilà. C'est ce que je vous ferai entendre si tout va bien, parce que je crois avoir des petits problèmes, comme souvent, mais ça devrait quand même marcher. Voilà, on y va, c'est parti pour ce sketch. Alors, bon, c'est un des sketchs, il y en a eu 5-6, qui illustraient les problèmes que nous rencontrons. Celui-ci, que vous écouterez, sera sur la médiation culturelle qu'on a essayé de rendre pour le mieux. Et qui était exécuté par moi-même. Je me suis choisi, c'était rigolo, parce que je suis plus facile à me repérer. Et puis par Justine et Cécile, admirables inventives de gestuelle, dont je vous parlerai un peu. Je pense que c'est la bonne séquence, sait-on jamais, on y va, c'est parti, voilà, toujours des petits problèmes de démarrage, là. Alors, voilà. Ils en ont fait des dessins, ouais. Merci. Allô. Demande subvention envoyée avant hier. Le RAN du truc, le numéro de. Allô? Le conseil départemental? Elle n'est pas là. Bon. Allô? Le bureau de la préfecture pour avoir le numéro de. Ah, c'est un téléphone. Hier. Le numéro de ce truc. Allô. Faut aller sur le site citoyen. Merci, le guichet. Oui. Comment on y va? Il faut le numéro de Glock. Ah, bon. Vincent, tu n'as rien compris. Ça, c'est pas la culture. La culture, c'est vivant. La culture, c'est nous. La culture, c'est à nous de la faire, Vincent. Ouais, la culture, on nous fait croire que c'est non essentiel. Mais t'y crois, toi? T'y crois? T'y crois? Non, Vincent, viens. Bravo. Qu'est-ce qu'on dit, toi? Allez, Alors là, on est tous sortis dans la rue, hein, par Cécile et Justine. Il les a emmenés. Que voulons-nous exprimer? Quel était le sens de la parabole? Quel sens caché y a-t-il eu? N'est-ce pas? En tout cas, nous avions comme thème, n'est-ce pas? Vous avez compris. Pas, mes chers collaborateurs, amis. Et voilà. Médiation. Et pédagogie. Et comme outil, c'est nous avions le clown, le cirque et le jonglage. Voilà. Ah ouais. Le Est-ce que vous avez vu le jonglage? Oui. Bah, ah, oui. Super. Alors, qu'est-ce que le jonglage? Oh, je sais pas. Quelqu'un a une idée de la définition qu'on peut donner? Au jonglage? Jongler avec les mots, avec les idées. C'est vrai. Condition de les rattraper. Les idées. C'est on est sûr de les rattraper? Lancer, attraper, rebondir. Ben, on m'a donné une définition cette semaine, mais plein de définitions sont possibles, mais une définition qui était que. C'est le jonglage, c'est l'idée de mettre en mouvement un objet, enfin quelque chose pour lequel il y a un risque. Et je trouve que c'est super intéressant parce que, enfin, on lance, ben voilà, je prends le risque de le faire tomber. Mais c'est pas grave de le faire tomber parce que c'est comme ça qu'on apprend. D'où la thématique. Oui, alors quelles idées avions-nous? On n'en avait pas beaucoup, mais on a un bleu, on a mis. Le bleu, on a mis qu'on était d'accord. Hein. C'était bien vu. Marion, tu es partie de ton expérience d'échec de plateforme, tu fais le lien avec la médiation. Oui. Ah bah oui, c'était ça. Elles sont venues dire, mais non, il n'y a pas besoin, mais oui. Voilà. Oui, mais c'est ça. Ouais. Ouais, tu connais bien l'expérience, tu as vécu sur le même dossier que j'étais en train d'étudier, d'ailleurs. Oui, alors, effectivement, le problème des médiations qui était abordé, on avait exprimé plusieurs pistes. Ouais. En ce qui me concerne, que j'ai voulu exprimer par une expression quelque peu brouillonne, c'est que effectivement, on a de plus en plus de mal à avoir de la médiation. Voilà. Parce qu'avec l'informatique, les numéros de ci, de ça, on ne peut plus accéder directement au dossier en général. Et c'était le cas récemment. Passé une semaine à trouver le numéro de Rennes, parce qu'on n'avait pas, et qu'il fallait le trouver à la préfecture, et que le conseil général n'avait pas. Et que de toute façon, il fallait, pour faire un dossier, il faut rentrer sur le dossier, sur le guichet citoyen. Mais il faut rentrer sur le guichet citoyen, il faut le numéro que un tel a, mais qui est en télétravail ou qui est absente, qui veut savoir. Et cette résolution, donc c'était la première à retravailler, c'était vers une meilleure prise en compte de la médiation culturelle dans le Grand Est. Et en fait, il y avait... la médiation culturelle est partagée aujourd'hui par donc, il n'existe pas de référentiel commun de la médiation culturelle entre les acteurs de l'éducation populaire et la culture. Et en fait, dans ces subventions et dans cette politique, on trouve ça vraiment décevant qu'il y ait très peu de ponts entre l'éducation populaire et la culture, et que c'est toujours très divisé, et que si t'es trop dans l'éducation, t'es pas assez artiste, donc t'auras pas cet argent, et inversement. En l'occurrence, l'accès de cette forme d'une association qui existe, récréée, n'a pas le code tel qu'il est exigé dans la plateforme, c'est-à-dire que les gens qui ont inventé ça ignorent même qu'il y a des associations qui peuvent être exclues de leur système. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas d'échange en amont sur tiens, l'outil qu'on met en place, il sert à tout le monde pour enrichir la médiation. Et avec le fait que c'est culturel d'être exclu de quelque chose de numérique. Eh bien, Vincent et moi, on a galéré des semaines. Oui, oui. Oui, là, il y avait 5 minutes, mais en vrai, c'est des semaines. Vous êtes d'accord, oui, ça, c'est bien. Une forme de paiement. Culturellement, on est exclu des plateformes du conseil départemental. Là, on a vécu quelque chose, alors qu'on est acteur de la médiation. Bon, après, ce qui nous saute, c'est qu'on a quand même eu de façon quelqu'un au téléphone. Oui, à la fin, oui. Non, il y a la vérité qui n'est pas caricaturale comme on l'a présentée, c'est que effectivement, on arrive à avoir l'humain à un moment donné. Hein. On trouve l'humain, hein. Il y a l'humain qui arrive à sortir un peu, mais non sans mal, comme l'escargot. Hein. Voilà. Puis quand on a dit des tas de trucs, hein, Cécile et Justine, hein. On a beaucoup échangé. Hein. Ah oui, c'était le sport. Et puis, on s'est dit, enfin, l'idée de vous faire sortir aussi, c'est venu de ben, y a... ça. Ouais, enfin. Parce qu'il y avait comment le Covid, etc. Enfin, il y a d'autres choses, hein, l'accès à la culture. Est-ce que le Covid a accentué ou diminué ça? Et alors, je ne sais plus exactement, parce que j'ai oublié de tout survenir. Voilà. Mais on s'est dit qu'en fait, le Covid, ça avait à la fois accentué ça, c'est-à-dire que on a eu un premier confinement qui était pour tout le monde, puis il y a eu un deuxième confinement où on dit, tac, la culture, c'est pas essentiel. Là aujourd'hui on dit ben, la culture c'est pour ceux qui ont un pass. Moi personnellement j'ai vu des gamins se faire refuser l'entrée à des spectacles, à des choses comme ça, parce que les parents n'avaient pas tout à fait le pass à jour, ou ils avaient eu un souci pour faire un pass. Il y a des enfants qui vont plus à la bibliothèque aujourd'hui parce que leurs parents n'ont pas de pass. C'est pas les enfants qui décident de ça, les parents ils ont le choix, les enfants ils n'ont pas le choix. Moi je trouve qu'il y a une ségrégation qui fait peur, et en même temps j'ai trouvé un truc extraordinaire. Ben, ça s'est monté il y a plus ou moins un an, il y a quelques initiateurs quand même parmi nous, c'est ce qui s'est passé à la Souris Verte. Et il y a eu un rassemblement à la Souris Verte pour monter un collectif pour faire des marches fleuries. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est réapproprié l'espace public, on a marché dans la rue, il y avait des spectacles. Mais il a fallu attendre qu'on nous dise que la culture, c'est pas essentiel pour faire des trucs comme ça. Et moi, je trouve dommage, par exemple, qu'à Épinal, on n'exploite pas plus le kiosque, c'est un endroit où il se passe 3 spectacles là-bas dans l'année. Et tout le reste du temps, c'est pour nous. Et la culture, c'est pas que des subventions, c'est pas que de l'argent, c'est pas que ça. Il y a aussi ça, mais on peut aussi faire autrement. Voilà. Puis on a aussi parlé de. Et donc c'était quoi transmission artistique, outils et moyens à développer. Et cette résolution, elle était très. Enfin, il y avait plein d'idées de chartes et tout ça, et de communication et tout ça, mais il y avait. Enfin. On a du coup parlé de là de toute la lourdeur administrative et du processus pour tout un tas de trucs, et qu'aujourd'hui, dans beaucoup d'associations, genre il y a un poste qui est dédié à rechercher des subventions. Enfin, je sais pas, c'est comme t'as de l'argent pour en fait chercher des subventions qui va payer ton poste à la fin. Enfin, il y a un truc assez bizarre. Dans l'idée, oui, en évoquant ce Kafka administratif aussi, l'idée de créer un poste de médiateur régional, si je comprends bien, au niveau Grand Est, on s'est dit, c'est pas un qu'il faut, c'est pas un, je vois mal comment un pourrait tout faire. C'est ce qui était marqué dans ce qui était indiqué, il en faudrait au moins un collectif. Comme le réseau d'aide, par exemple, mais je ne sais pas, c'est un collectif qu'il faut. Voilà. Alors, ça renvoie, dans notre position, oui. L'aspect, ça doit être pluriannuel. Oui, ah oui. Aussi, bien sûr. Mais ouais, et puis après, on se disait, depuis 2018, donc il y a l'Agence culturelle du Grand Est qui a été créée, qui est quand même un dispositif qui a l'idée de. Faire plein de rencontres et plein de formations auprès de tous les acteurs culturels. Je pense que ça a été créé après ça, je suis pas sûre, mais 2019, je crois. Et il y a ça, il y a aussi le mémo, il y a un gros groupe d'artistes dans les Vosges aussi, il y a des rencontres informelles des compagnies artistiques. Il y a le Tréteau, qui est genre l'annuaire qui a été mis en place de tous les acteurs artistiques sur le territoire. En fait, il y a des choses qui existent. Après, c'est juste comment on communique et comment chacun. Enfin, voilà, que ce soit pas juste les artistes dans un coin. Enfin, effectivement, chaque acteur divisé et comment rassembler tout ça. Oui. C'est le rôle de la médiation, justement. Dans l'idée de se réapproprier on a dit ça, se réapproprier les lieux pour la culture. Voilà. Alors on a même évoqué, elle m'a interrompu, il y avait encore un coup de fil à passer. Allô, du peuple. Ah oui, pardon. C'est pas parce que c'est du peuple que c'est pour tout le monde. Texto, hein, textuel. Mais bon, je voulais ajouter ça parce que justement, on a un lieu du peuple qui pourrait être aussi. Vous parlez du théâtre. Justinien y a travaillé, y a joué, même bon, on s'est trouvé ça comme idée. Mais enfin, c'est pas le seul. Mais ça n'est un exemple. Ce qu'on s'est dit aussi, c'est que quelle perspective de travail commune à engager. Ben, on s'est dit la transhumance 3, les marches fleuries 2. Ou d'autres événements, et c'est pour ça qu'elles nous ont fait sortir, elles ont eu l'idée de nous faire sortir, puisque c'est pas dedans que ça se fait, mais c'est aller dehors, et justement, la souris verte, il y a un an, c'est ce qu'on avait décidé, qu'est-ce qu'il faut faire ? Bah, aller dehors, aller dans la rue. Bon, alors maintenant, les perspectives d'aller dans la rue sont devenues plus complexes avec les nouveaux problèmes de vaccins, de droits, et de l'opposition entre personnes, entre personnes, même ici, on n'est pas forcément d'accord, et c'est vrai que c'est devenu très piquant, très, très glauque, pas glauque, mais très tendu. Mais enfin, bon... On n'est pas obligé d'aller dans la rue pour revendiquer... Pour quelque chose, on peut juste aller dans la rue pour s'exprimer, pour faire du spectacle vivant, indépendamment de toute considération. La rue, ça appartient à tout le monde. Oui, disons l'idée d'activer au mieux, comme on a fait d'ailleurs depuis 2 ans à travers les transhumances, et de diverses façons, plus en enthousiasme de la transhumance 1. Qui était... je finis. Tu termines ton propos. Dans la continuité de la transhumance 1, qui était optimiste, parce qu'on n'était que la première vague. On était dans presque l'émerveillement, les oiseaux, tout ça, pendant le confinement. Le silence. Et puis, la mise en route qu'on n'est pas arrivé à faire, en théâtre, tous ces dires, parce que d'une certaine façon il fallait revoir les gens et que les gens ne savent plus trop comment, et on irait les voir maintenant, le dire est plus contradictoire et en même temps peut-être plus, le mal est là, quoi, ça fait mal et peut-être qu'il faut le sortir, et en tout cas d'une autre façon, il faut y aller, voilà, le mal à dire, la seule solution c'est d'y aller, voilà. Et un cahier de doléances, hein? Et un cahier de doléances. Ah, ben, aussi. Oui, ça serait bien. Je sais pas si tu parles de douleur. Oui, doléances, oui. Oui, parce que j'ai l'impression que l'expression est plus dans un rentrée de la douleur qui était plus simple, je dirais, il y a 2 ans. Et c'est pas pour autant qu'il faut moins se taire, au contraire. Mais les formes sont plus compliquées. Voilà. Et tu dis que le ressenti, il dit le mal, mais qu'il n'y a pas que du mal-être. Ah oui. Il y a un mal-être plus profond. Ouais. Plus profond, plus interne, même entre les... C'est 2 ans. Dans les gens. 2 ans avec quelque chose qu'on pensait passer à un moment donné. Oui. Et comme les choses ne vont pas se passer comme ils le souhaitent, ou comme ils le souhaiteraient, ou comme nous le souhaiterons, on ne sait pas, parce que l'avenir est à inventer, on va donc faire une petite pause méridienne pour pouvoir reprendre un petit peu d'énergie et accueillir les 3 autres groupes après le repas. Voilà, ça va être le dessert. Donc on se dit, voilà. Bravo. J'ai du mal à retrouver mes affaires. Curtis, toujours le soleil dans l'esprit, dans la musique. Et maintenant, je vais vous faire part, toujours par, pour raison d'être, du final des résolutions. Vous avez entendu parler, effectivement, vous savez, on a parlé des marches fleuries l'an dernier, c'était quelque chose d'assez extraordinaire, il y a un an, pendant tout le pré-printemps. Et donc, là, il y a des résolutions qui ont jailli et dont je vais vous faire écouter la synthèse finale. Chers amis, merci d'avoir voté. Vous avez élu quatre grands projets. Je vous propose donc quatre commissions. Des parlementaires, vous avez droit à quatre commissions parlementaires. Donc il y aura une première commission politique autour du lobby culturel, cahier de doléances, une manifestation politique culturelle. Il y aura une commission espace public. Sortir de, avec le kiosque culturel, se réapproprier la rue, poste de secours culturel, la transhumance numéro 3, voie verte. D'accord. Il y aura un pôle manifestation, 1er avril de l'esprit critique et culturel, carnaval citoyen, 14 juillet citoyen. Et puis enfin un pôle, on va dire, spectacle. Voilà, puisqu'on a une d'intervention. C'est un peu presque la rue, quand même. Ouais. Bah oui, non, c'est plutôt la rue. Voilà. En fait, on avait mis la rue en chapeau, et à l'intérieur, oui, mais là, on est plutôt donc, le pôle magnifique. Spectacle en soi. Donc, spectacle à voir théâtre, musique et voix chorale, théâtre forum, CNF, conférence de même s'il y a des scénettes qui peuvent se passer dans la rue et de la chorale dans la rue, mais c'est plus. Puis une fois qu'il est fait, ça peut être dans la rue. Tout à fait, non, c'est un défi. Mais d'accord, comme ça, c'est un défi, ça, du coup. Oui, bah, oui, oui, oui, ça peut. Oui, il y a forcément des liens entre tout ça. Ah, il y a l'oubli, bah, je suis dans politique, rue, événement, politique, rue, spectacle. Ah oui, manif, spectacle. Non mais événementiel plus. Enfin, alors moi ce que je vous propose, manif, ce qui serait chouette, c'est qu'on trouve un animateur pour chacun de ces quatre commissions, quelqu'un qui a un peu envie d'animer, de rassembler les gens. En sachant que moi je vais là, je vous propose de lancer un petit framacalque où je vais mettre les quatre commissions et vous pourrez vous inscrire sur chacune qui vous intéresse. Comme ça, l'animateur qui va prendre par exemple la commission politique en charge, et ben, il saura, ben, tiens, un tel est intéressé, donc je lui envoie une proposition de date, un framadate par exemple, ou je le conseille à une réunion, voilà, pour que chaque commission puisse vivre, s'auto-organiser dans les prochains mois. Est-ce que ça vous va comme ça? Oui. Moi, j'ai une petite question quand même, parce que ça je suis d'accord, mais il y a aussi peut-être la répartition géographique, parce que peut-être on ne va pas forcément passer un kilomètre pour faire peut-être essayer de noter dans quel secteur on se trouve chacun. Oui, et ben quand vous. Ben, je rajouterai dans le framacalque où vous êtes, comme ça, et puis. Au groupe de s'auto-organiser par rapport à la date et où il peut y avoir deux mini-groupes en fait. Oui, c'est oui. Après, faut faire attention de ne pas être deux dans le groupe, quoi, parce que. Oui, j'ai c'est ça. En fonction des. Si on fait encore un secteur géographique, on peut ne pas s'interdire de fusionner deux. Complètement, complètement. On va voir ça. Une réunion, ça va être tout seul. Il y a une première possibilité. Soit on se dit. Chaque groupe s'autogère et s'auto-anime un peu de manière indépendante, donc on est payé. Soit on fixe une journée, tous ensemble, ou on travaille ces quatre commissions-là sur la même journée, sur le même lieu. Ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Et on ne détermine pas en amont qui anime, etc. Peut-être qu'il faut. Il peut y avoir une journée, ça se fait. Mais aujourd'hui, on a préparé, quoi. Moi, je pense qu'il faut organiser en amont. Il peut y avoir un rapporteur et les groupes qui passent et ils notent à chaque fois les idées. Oui, bien sûr. Oui. Alors, un seul qui récupère les idées sur la thématique, au lieu de plusieurs personnes qui récupèrent. Non, je ne suis pas participative. Alors, tu as toujours une personne qui prend des notes, c'est toujours la même personne. Si tu prends la thématique rue, bon, c'est un rapporteur. Je vous propose de ne pas définir ça maintenant. Chaque groupe s'auto-organise. Parce qu'on n'a plus le temps. C'est juste, est-ce que on fait des rencontres séparées? Non. Est-ce que tout le monde est d'accord sur une même journée? Oui. Ça fait du bien. On la fixe maintenant? Ce qui n'empêche pas le groupe de se rencontrer en après coup. Oui, tout à fait. Si on a envie de faire. Donc il faut que ce soit assez proche pour répondre à la question du levier, machin. Je propose de prendre vos agendas parce que les framadates. Oui, donc c'était l'infatigable Marion Garnier qui parlait avec, dans un bois un petit peu de finale, dont je m'excuse, mais c'est comme ça, les enregistreurs ne peuvent qu'enregistrer ce qui se passe lors de l'enregistrement, et voilà, mais c'est du vécu, c'est du direct, et on va, enfin du direct, indirect, là, parce que c'était il y a 8 jours, mais... On va se revoir d'ailleurs bientôt, on avait défini le 3 ou 4 février d'après ce qui est sorti dans les décisions. Et puis que, donc, que tout ça, comme le dit le groupe, roulez fillette. Bergère qui fait paître ses blancs moutons sur la verte fougère. Un jour la belle s'est endormie, un jour la belle s'est endormie. Et quand elle se réveille, la plus belle de ses brebis, le loup l'avait mangée. La belle s'écrie, alors mon Dieu, la belle s'écrie, alors mon Dieu. Sainte Vierge Marie, celui qui me rendra ma brebis, il aura mes amours jolis. Garde forestier l'a entendu, garde forestier l'a entendu. Il a pris son épée, il a coupé la tête au loup, la brebis s'est sauvée. La belle voici votre brebis, la belle voici votre brebis. La voici saine et sauve, moi je vous ai fait un plaisir, vous m'en ferez un autre. Le plaisir que je vous ferai à la lune nouvelle, quand je tondrai mes blancs moutons, je vous donnerai la laine. Je ne suis pas marchand à pied, je ne suis pas marchand à pied, ni fabricant de laine. Quand le loup prendra un mouton, le diable si je m'en mêle. Je m'en vais faire un petit tour à Nantes. Ma douce amie, voici le printemps. Je m'en vais faire un petit tour à Nantes. À Nantes, à Nantes, si tu t'en vas, un beau bouquet, tu m'enverras. Un beau bouquet, tu m'enverras. Un beau bouquet de roses blanches, les plus belles qu'il y aura à Nantes. Un beau bouquet de roses blanches, les plus belles qu'il y aura à Nantes. C'est rouler fillette et que roulent les raisons d'être, où il y a des fillettes, il y a aussi des hommes à dire pas des omelettes, mais bon, voilà. Et maintenant, passons à la sélénite de décembre, sachant que les sélénites ont pour particularité de se dérouler à chaque pleine lune, et la prochaine arrive déjà, celle de janvier, le 18. C'est, bon, des... Vous allez l'entendre, d'ailleurs, mais vous les retrouvez chaque mois, avec une célébration de l'astre, bien sûr, qui suscite des énergies littéraires, poétiques, musicales. Alors, ce soir, je vais déjà vous faire entendre la première partie, qui était une lecture que Marie-Pascale a faite sur Jacques Ralit. Jacques Ralit, qu'on a bien connu à Busson, bien sûr, qui a été un des membres des sages, comme on les appelait, qui présidait aux destinées du théâtre du peuple. Voilà. Et qui a son monument à Busson, au début du, près de la Popote, au début du parcours. Du parcours Potcher, enfin au milieu du parcours Potcher plus exactement, parce que là il y a eu plusieurs versions, mais le nouveau parcours Potcher qui part de là pour aller autour du théâtre, c'est un nouveau parcours autour du théâtre. Donc, il y a deux parcours Potcher en fait, un petit en ville et un plus grand qui se déploie presque jusqu'à Saint-Maurice. J'oubliais de dire à nos chers auditeurs que raison d'être, on va les retrouver en fin de soirée après la sélénite dans les débats. Les débats qui ont conduit aux résolutions que je vous ai fait te entendre. Mais il y a eu avant des débats intéressants, 40 quelques minutes que j'ai recueillis et que j'espère pas trop mal enregistrer, parce que le problème, c'est qu'on met un magnéto au milieu de gens qui débattent démocratiquement. Il y en a qui sont plus ou moins prêts, et puis qui font plus ou moins, c'est pas des conditions tout à fait radiophoniques, certes, mais des conditions démocratiques. Ce qui est quand même l'essentiel. Alors, Jacques Ralit, qui était un des personnages importants de Busson, et avant de d'Aubervilliers, et avant il a été ministre, et avant il s'est beaucoup occupé de culture populaire, justement. Alors, disais-je, je m'approche de mon écran, qui est à un peu plus loin, à gauche, là, voilà, viens à l'écran, voilà. Jacques Ralit, le voilà. Nous allons écouter. Écoutons Marie-Pascale qui parle de Jacques Ralit en début de la sélénite de la dernière. Du solstice, en fait, d'hiver, parce qu'il y avait aussi un atelier d'écriture qui a eu lieu juste avant. Et ensuite, on écoutera aussi cette sélénite centrée notamment sur la personne d'Aïssa Théba et de ses projets généreux franco-mauritaniens. Voilà, allez, dis-nous-le, t'enregistres un peu. Voilà, donc c'est un hommage à Jacques Ralit qui est paru grâce au collectif des éditions Le Clos Jouve. Ça s'appelle « Nous l'avons tant aimé ». Et c'est un journaliste de l'Humanité qui m'a envoyé ça, donc merci beaucoup à lui. Alors, Luba, explique-moi. Donc Luba, c'est dans le sud, à Uzest, quelqu'un qui est très très investi musicalement et sur le même terrain de combat pour démocratiser la culture et tout ça. Alors... C'est Charles Sylvestre, là, qui est journaliste vice-président des Amis de l'Humanité. Il nous dit « Jacques Ralit n'a jamais pris de vacances. Si ce n'est pas tout à fait vrai, c'est vraisemblable. En juillet, il était à Avignon, chez Villard. En août, il était périodiquement à Uzest, chez Luba. Ralit était un travailleur de l'été. Il aimait ses étés d'Avignon et du paysage du village gascon parce qu'il s'y passait des choses où il y avait beaucoup à apprendre. » D'un maire d'une ville comme celle d'Aubervilliers, on a beaucoup à attendre. D'un ministre de la Santé, surtout de la Santé, on a beaucoup à espérer. On a beaucoup à attendre et à espérer d'eux parce qu'ils sont dans le faire. Ralit avait compris une chose, on ne fait rien sans apprendre des autres et de soi-même. Ses discours sont construits sur l'appris. On a pu s'amuser de sa gourmandise de la citation. Qu'on le relise et on se rendra compte qu'aucune de ces citations n'était décorative. À chaque fois, une ouverture vers l'inédit. pour lui-même, presque étonné d'en reprendre les mots, convoqué à les penser, à les justifier. Et pour l'autre, l'auditeur, le lecteur, intrigué, mis en demeure de s'y retrouver avec son expérience, sa sensibilité. Ping-pong de curiosité. Avec Luba, il était servi. Penseur de musique, musicien de pensée, les deux étroitement imbriqués, le malpoli instrumentiste convoque, intrigue, met en demeure, jamais ne rassure. Il faut entendre Luba quand il s'exprime. À quoi cela sert-il de se rassurer sur ce que l'on croit savoir ? S'inquiéter, plutôt. Il y a des familiers du zeste qui, 30 ans après leur découverte du phénomène, continuent à suivre avec perplexité. Ralit lui-même ne répugnait pas à faire l'effort de saisir ce qui ne lui était pas familier. Le free jazz ? Le rap ? Expliquez-moi. Le moment venu, une formule du lieu, du jeu de mots « usestois » s'incruste. Transformation du souci en souci de la transformation. La dialectique, comme disait l'autre, un certain Berthold, peut casser des briques, à condition de passer du dogme froid au swing brûlant. Jacques Ralit a eu ce feu où il faut, sa vie durant, remettre du bois pour faire monter la flamme. Le parti pris qui a fait en 1981 du militant un ministre, c'est le parti de la culture. Le portefeuille de la culture, elle-même, était-il déjà pris par un autre Jack qui était déjà dans la place ? Eh oui, hein ? Va pour celui de la santé. Là, Ralit n'était pas déjà dans la place et on le lui a fait savoir. Quand on sait, depuis et encore dernièrement, à quoi ce poste peut être confronté, on se dit qu'au final, il lui allait comme un gant en salle d'opération. La culture, ce n'est pas, même au sens non péjoratif, une carrière. On le sait, depuis Malraux, la culture est un combat où il a fallu d'abord monter au front. Ralit et Edmond Charleroux se sont découverts un jour à la bien nommée fête de l'humanité, un départ commun. Il avait été, lui, à 14 ans, un écolier interpellé avec sa classe par l'occupant furieux de la prostestation adolescente contre le sort fait à leur maître résistant. L'écrivaine avait, elle, à 20 ans, transporté, sans le savoir, dans son ambulance d'infirmière, des armes des francs-tireurs et partisans main-d'œuvre immigrés, FPT, moi, dont elle était solidaire. Pour Antonia Gramsci, la culture n'est pas accumulation de savoir, ce qui renverrait à une définition capitaliste, mais organisation de soi, discipline du véritable moi intérieur, prise de possession de sa propre personnalité, conquête d'une conscience supérieure grâce à laquelle chacun et tous réussit à comprendre sa propre valeur historique, sa propre fonction dans la vie, ses propres droits et ses propres devoirs. Il Grillo del Popolo, 29 janvier 1916. Le philosophe communiste italien en faisait un ressort du rhinastica, renaissance, de la plèbe qu'il appelait de ses voeux. Si on cherche un pont entre Ralit et Luba, entre les états généraux de la culture et usestes musicales, il est probablement là, dans ces mots de Gramsci. Mais ce qui attachait le premier au second portait aussi sur une question d'échelle. Avignon, en le disant ou sans le dire, a une obligation de résultat. Les créations se jugent à leur valeur, dont les codes varient, mais aussi à leur compte. Lors de sa rituelle conférence de presse de conclusion de festival, son directeur commence par son économie, c'est-à-dire le taux de remplissage des lieux, pour revenir ensuite tout de même sur l'apport indéniable et le cas échéant discutable de spectacle. Venir à Uzest, qui a renoncé à toute ambition de remplir, aura été pour Jacques Ralit un retour aux sources. Le couple de base qui a fondé l'événement dans la lande girondine, Bernard Luba et Michel Portal, était dans les tout débuts des états généraux de la culture. Ils y jouaient déjà, comme ils joueront toujours le plus librement du monde, de la musique désagréable à l'oseille, cet art de l'improvisation qui fait la gloire de Charlie Parker ou de Charlie Mingus quand il est devenu standard et légendaire, mais qui fait grincer des dents quand il devient sauvage, quand il redevient sauvage. Écosystème pour écosystème, cet écosystème de la musique afro-américaine dans toutes les conséquences planétaires, en vaut bien d'autres à sauver. Ralit venait à Uzest en curieux, sans suites officielles ni officieuses, derrière une table en invité pour parler à son tour, ou assis parmi d'autres pour écouter, modestement, en s'informant au préalable auprès de celui qui présidait aux destinées du lieu. Ou non. Fabrice Vieira, le guitariste, avait aussi, il le savait, toutes les clés pour répondre à ces questions. Quand on a été maire d'une grande ville ouvrière, on sait que ce que le compagnonnage et le travail d'équipe signifient. On le sait aussi quand on a fondé à la force du poignet, avec un maire communiste du nom d'André Carman et un comédien, petit juif, sauvé déjà dans les hauteurs de l'Ariège, Gabriel Garand, le théâtre de la Commune. Dans ce que Ralit venait retrouver à Uzest, il y a le mot « poyélytique ». Les cultivateurs de culture, qu'ont été les artistes de la compagnie Luba, ont semé, arrosé, récolté, saison après saison, printemps, été, automne, hiver, ce mot qui a pris racine. Ralit le savait suffisamment pour venir aussi hors saison festivalière. Édouard Glissant, le poète martiniquais, a croisé, lui, Uzest avec le grand large. De son tout monde, cette nouvelle région du monde, dit-il, à découvrir, cette fois-ci ensemble et non dans la colonisation, la loi ne serait plus le profit le plus éternel possible, mais les équilibres du donner-recevoir. Le futur se cherche dans les métaphores. Jacques Ralit parlait d'Uzest comme d'un commun isthme. Glissant imaginait un archipel où terre et mer s'échangent. Luba était hanté par un communalisme universel. Toujours l'entre-deux, le passage, l'éternité toujours recommencée. Le commerce triangulaire Europe, Afrique, Amérique était celui de l'esclavage dont la métropole proche d'Uzest, Bordeaux, a été un haut lieu. L'Uzest de Luba, Ralit, Glissant serait-il un commerce triangulaire renversé, celui de l'émancipation? Voilà. Maintenant, donc, la Sélénite elle-même, qui commence avec un atelier d'écriture qui s'est déroulé au moment du solstice, puisque à chaque événement cosmique équinoxe solstice, Marie-Pascal, depuis l'année dernière, depuis 2020, solstice 2020, d'hiver, fait des ateliers. On a fait au printemps, là c'était à Épinal, pour la fête de l'eau, Nathalie Passant, elle a refait un solstice d'été chez elle, là-bas, dans un coin de plaine, puis à nouveau au solstice, à l'équinoxe d'automne aussi, et puis là au solstice d'hiver. Et ça a commencé par un grand éclat de rire provoqué pour débloquer l'écriture. Et puis après, ben, on va avoir les textes que vous allez écouter, dont un même final en commun, un texte commun. Donc un atelier remarquable. Ensuite, bien arrivera notre ami Aïssaté, qui est notre ami franco-mauritanien du Tio et de Mauritanie, et qui prépare un voyage, une expédition, si je peux dire, généreuse, franco-mauritanienne, pour aller jusque là-bas, apporter de la joie à tous ces enfants de Mauritanie. Voilà, elle vous l'expliquera, et en chanson aussi, et puis en parole. Voilà, écoutons cette sélénite, rappelant que la prochaine a lieu déjà le 18 janvier. Voilà. Voilà, voilà, disais-je. Voilà. Voilà. Allez, dis-nous-le, t'enregistres un peu. Voilà, donc c'est un... Je m'étais trompé, c'était l'autre. Le voilà maintenant, la grande séquence sur la sélénite. Il serait temps que ça commence. Alors, extrait du journal intime de Lana, 1950, 15 avril, esthéticienne. Un soir où j'avais mal à la tête, tout simplement parce que ce jour j'étais allée chez le dentiste qui m'avait opéré d'une dent et anesthésié la bouche à l'éther. Purée, j'arrive plus à me rire. Je pensais au poilu qu'on opérait en 1914-18. Je me décidais à honorer de ma présence le billet d'opéra que j'avais acheté enchanté, car mon métier, faire les ongles des dames, ne me permettait pas d'en acheter souvent. Je ne mesurais pas l'ampleur de l'impact du côté éthéré de la soirée. La chaleur, les couleurs complémentaires dans le bâtiment, le tutu léger d'une ballerine, les mélodies légères, l'abstraction de tout, cette émotion-abstraction qui résonnait si fort et qui répondait et s'enfonçait si bien dans le secret de mon cœur, la musique spirituelle, etc. La douce justesse, la douce joliesse, la beauté pure. La beauté pure. Merci, voilà. Félicie. Excusez-moi, j'arrivais pas à me relire. Vas-y. Total fiction, hein. Ouais. Transporter. Alors ça, c'était le texte que tu as fait en écriture automatique. Non. C'est le premier texte avec les mots choisis. Ah, d'accord. Pour ce poème. Bon, vas-y, Sigonino. Mon doux rêve m'entraîne dans une caresse de la nature, dont la douceur de cette brise au parfum agréablement enivre. La spiritualité me transporte dans la douceur affective de la douce brise d'autrefois. Voilà. C'était quoi, là ? Le premier texte. C'était le premier. La brise d'autrefois. Ah oui, Un café, un petit café pour se réveiller. Il s'agit d'une petite pièce de théâtre. Ah oui, c'est ça. Alors, voilà. Alors, il s'agit d'un homme et une femme. Alors, la femme, elle dit « Tu connais l'éther ?»« Merci, je ne bois pas. » Tu connais, chaman, guérisseur? Les nouvelles connaissances reconnues à ce jour et les plus anciennes comprises hier? Oui, le bonheur d'être vivant et la médecine naturelle au goût du jour. Quelle initiation, n'est-ce pas? Une anesthésie du verbe souffrir? Oui, entre univers et matière, l'esprit devient plus clair. Alors buvons une bière avant d'y passer. C'est le cinquième élément des moines belges, luxembourgeois et lorrains, 9e siècle. Une vraie famille, quoi. Comme nous. Ouais. Comme nous, les Salonines. Oui. Donc je vais souligner les mots. Je vais souligner les mots éther, chaman, guérisseur, initiation, anesthésie, univers, matière, esprit, bière et cinquième élément. Celui-là, c'est en partant des mots. Il est temps que ça commence. Bon, excusez-moi, là, il y a un petit hiatus, là. Je suis obligé de... J'ai fait une petite erreur, là. Donc, je vais aller un peu plus loin. Voilà, c'est ça. On va... Il y aura de la redite, mais c'est pas grave. On va retrouver notre enregistrement. Là, voilà. À partir des petits, à partir des petits trucs. Oui. Donc une petite scénette. Oui, oui. Docteur, j'aimerais être en harmonie. Vous comprenez ça? Oh, j'ai ma dose aujourd'hui, hein. Un peu plus de légèreté. J'ai de quoi fumer. Ça va aller pour décoller. Vous allez devenir légère, toucher la plénitude. Douceur, envolez-vous. Ça fait 100 euros. Bravo! Ah oui! C'est un mettre en scène, ça. Non, mais je sais pas, c'est quoi que vous textes, disiez le premier texte, à partir des bulles. Et après, on ira le deuxième. À partir des bulles. Les bulles. Ouais, parce que... Attends, ne tiens pas trop, parce qu'il fait trop de bruit. C'est jamais obligé, ouais, pose-le. Parce qu'il fait du bruit, voilà. Ouais. Alors, des terres aux cieux. Ah. Il y a des bruits bizarres ici. Ouais. C'est des esprits. Des terres aux cieux. À toutes les échelles, les fréquences se portent et se supportent. D'interférence en interférence, communiquent leurs existences. Le tertiaire primaire offre toutes les combinaisons du possible et de l'impossible dans une danse spiralée et continuelle où seule l'expression s'estompe pour éventuellement renaître ce mouvement qui bat la mesure et dessine les dimensions. Voilà. Ouais. Ah, intéressant. T'as écrit tout ça. T'as dessiné une géométrie. T'as écrit combien de mots? 7. T'as pris tous tes mots? T'as tout fait. Ah oui, c'était les mots qu'on avait à prendre. Mais pour quelqu'un qui voulait pas faire la tournée... Pas de ta danse. Ah bon? Non, je non c'est bien. Donc à moi, sur les bulles, le vent est divin, chemin de la lumière sur les montagnes que le soleil parcourt. Divin, du vent, du fond, qu'éther, altière, autre terre, d'un mental planant. Il est des merveilles au bout du monde, où bascule la connaissance et se refait, reflet, le champ des astres accéléré. Pluie d'étoiles, pleine lune, autour du cercle blanc, les morts rigolent à pleine rivière de vie. Voilà. Ouais, c'est bravo, Vincent. Donc, la pleine lune, bien sûr, il fallait célébrer. Il fallait la choper en même temps. Voilà. Tu peux voilà. Me servir un verre d'eau, s'il te plaît? Ben, le deuxième texte. Alors, mais non, allez-y. C'est le mien, c'est mon frère. Le deuxième texte sur l'écriture automatique. Ah ouais, mais alors, moi, c'est... Ah oui, à partir des critères automatiques. Ça va être curieux. Moi, c'est... Il a une visible. Donc, l'écriture automatique, on... Moi, j'en ai deux pages. Hein. J'en ai une page entière. C'est invisible. Ah bon. C'est invisible parce que il fallait pas, je devais pas relever le stylo. Ah ouais. Et tu es pas arrivé à. Je suis parti à l'envers. Hein. Ah oui. Mais. Oui, il a fait sans lever vraiment le stylo. Sans lever. Resté, pour faire les accents. Ah tout. Ouais, d'accord. T'as vraiment pas levé le stylo. J'ai pas levé. Et après, j'avais pas assez de couleurs, donc j'ai essayé de pour faire comme dans l'ADN les bases, de colorier chaque lettre, différentes lettres. Pour pouvoir s'en sortir. Et là, comme j'ai pas pu colorier toutes les lettres, ça va être dur pour moi de retrouver, parce qu'autrement, avec les couleurs, ça va. Quoi. Le M, je le reconnais maintenant, le A. Mais là, c'est trop loin. Quoi, pour... Tu n'y arrives pas. Tu fais créatif, c'est génial. Mais il l'a dit, alors. Si, c'est pire. C'est top, ici, tout le monde. C'est intéressant pour voir comment on a vécu ça. Allez. Bon. C'est à partir de l'éther. Hein. Oui, oui. Donc l'éther, c'est... Je sais pas ce que c'est. Bah oui, c'est... Alors, l'éther est une immensité bleue qui envahit tout mon être et toute la terre comme un brouillard léger. Je flotte dans une légèreté où je me sens merveilleusement bien. Les yeux s'ouvrent en grand sur un espace inconnu. C'est moi et ce n'est pas moi. Mes molécules se mêlent à d'autres molécules. Je me relie à tout ce qui est vivant et tout ce qui est minéral. Je suis immense, joie. La peur disparaît. C'est toutes les possibilités. Une musique étrange venue du fond des temps s'accroche à tous mes atomes. Les équilibres, plaisir. Je touche une terre inconnue où tout se mêle sans jamais se heurter. Je m'évapore. Bravo. C'est pas fini là. Si, j'ai pas été plus loin. Ah, mais c'est remarquable. C'est intéressant. Ah, ouais. Ça fait c'est très. Ah, si, c'est évaporé. C'est fini. Ah, oui, c'est. Ouais, il y a plus personne. Bah, ouais. Oui, bien sûr. En fait, c'est Don José qui a rendez-vous avec Carmen et il vient en bagnole. Ouais. Alors, l'éther, c'est pas permis, qui dit. Quel mot subtil, j'ai même pas le volant, ni les phares, mais conduire dans la nuit, les pieds dans l'eau, sans tomber par terre, c'est comme souffler sur mon œil qui s'éclaire. Et il ajoute, c'est clair dans le feu qui vient de cramer mon esprit. Cramer. Mais attends, faut lire les mots qu'on a mis. Bon, alors moi j'ai. Lis le texte. Extrait de ton quart d'heure de d'écriture. L'écriture. Mais j'en ai écrit une page, je vais pas vous lire tout ça. Je sais pas. Tu peux choisir. Hein. Alors, les terres des vaches et de leur paix. C'est la nature. Les terrés violets, jaunes et blancs. J'arrive pas à me relire. Oh les cœurs, sautez de joie parce qu'un chat sourit. Éther succès d'année, volute, Jane Birkin éthérée, entre parenthèses légère et fine. Parfum Nina Ricci, onomatopée à la Gainsbourg, dans la chanson Comic Strip. Eau de vie, Voltaire, délire. Tutu léger, sérénité et sincérité. Les voix éthérées de Kate Bush, Isabella Gianni, Sia, Juliette Armanet. Blanc dentelle blanche et soleil chaud d'été, cheminée, feu en hiver. L'éthéré refait, reconstruit mon intégrité. Alors certains signes vont-ils ensemble, mais si éthéré est don de soi, l'éther n'entre pas dans l'harmonie astrologique. Dans l'art, beaucoup d'éther. Land art, art abstraction. Les rideaux en masque bleu de Marie Pascal. L'éther des parfums. Ah, celui-là, les plus envoûtants. Le flacon précieux et l'odeur, les volutes, l'éther sensuel des cinq sens, l'ouïe, la vue, l'odorat, le goût, les arrosés, les ambrés, les eaux, les fleuries, les fruités, eau des rivières, cascades, vosgiennes et partout dans le monde, nager dans un lac, un étang, l'eau de rechasse, ou de coco de Chanel et l'eau tropicale de Sisley sont mes éthers préférés. Éther. L'humidité de point, l'humidité brune des terres fraîchement labourées au printemps. Je sens que mon bras s'épuise. Piquez-le à la terre, j'aurai moins mal. C'est une blague nulle, mais bon. L'éther participe au secret. Si vous croyez que je vais tout vous dire, pour moi, éther est harmonie et harmonie est éther. Tous les deux sont fortement liés. Bon, stop, j'arrête là. C'est pour venir à un peu de vie éthérée, l'éthérée de la compagnie, de la convivialité, fluidité. Bien. C'était long, mais. Non, mais c'est ça qui est intéressant à voir. Fred, il faudrait que tu retrouves le tien, quand même. C'était plus moi dans le. D'accord. Alors, moi, donc. Dans le cardiogramme, quand même. Éther, suspend ton vol, et toi, la matelas. Ça me prend. Prends une grille. M'espace lune, soyez sur la fumée. Le vieux monde est derrière toi. S'ouvre bouleversante le vieux monde, s'est basculé et refait. C'est un cheval inconnu. Là, un espace s'ouvre, échelle vers les cieux. Cours, cours, le rire est là. Je cours après le temps et la mort à mes trousses. Grand canyon, ça voltige, ça abrupte au-dessus de l'inconnu. Tagada, fraise sauvage, Berman, reprend ton vol. Chante l'espérance dans les boulevards lointains. Édith Piaf élance le cheval sur le parcours de Heindel. Et la viturgite est là, merveilleuse, quand le chant de la jeunesse parcourt tout l'éphémère. Et crime, la lumière s'enfonce au fond de la vallée et village, et clame le clocher, clocher, clocher, cloche, cloche, cloche, horloge italienne engloutie dans la mer. Bravo. Bon, c'est... Voilà. Super, hein. j'ai pas compris si Edith Piaf. Piaf, c'est le Piaf. Cheval comme le cheval du Piaf. Edith Piaf, oui. Hein composé de... Oui. Ce qu'on a fait, Édith Piaf élance le cheval ecclésiastique digne de Don Quichotte. Non, c'est ça ? Oui. Digne de Don Quichotte. Il écoute le flamenco dans la fumée sur le parcours de Heindel. Le flux toujours vient. Le flux fougère. Vient mettre. Au vert, les yeux de Kant. Vas-y. En fait, ils ont sniffé dans un lac. Nager dans un lac. N'importe quoi. Complète de l'éther. Oui, je l'ai mal écrit. Nager dans un lac est une perception complète de l'éther. Oui, quand il finissait, donc. La mer de l'éternité souffle la volute sensuelle d'un jumeau imaginaire. Ah oui, voilà. Mais voilà. Ainsi soit-il, voici c'était nos écrits. L'éternité, nouveau terme inventé de Fred. L'éternité, la rivière pleine de vie, c'est ça que tu disais ? Dans ton premier texte, la fin de ton premier texte, c'est toi ? Moi ? Vincent, ouais, t'as dit la rivière à un moment donné. Ouais, les morts rigolent. À pleine rivière de vie. Ah, les morts rigolent. Les morts rigolent autour de la lune. C'est l'idée de la pleine lune, qui est la terre des morts. Donc, ouais. Voilà. Donc, ouais. Les morts rigolent à pleine lumière, à pleine rivière de vie. Je vais en dire une petite. Vas-y. Dans cette immensité, ne peut en douceur mettre ouvert les yeux de Kant, source du cirage d'une certaine façon. Ah oui, d'accord. Oui. Là, c'était ça. Oui. C'est toi, c'était les morts rigolent, là. Les morts rigolent à pleine rivière d'être sniffé. Olivier, tu vas faire un atelier d'écriture la prochaine fois, te transformer. Mais facilement. Je suis pas du tout littéraire. Mais facilement, mais bon, je t'assure, j'ai des gens qui sont pas littéraires. J'ai une réplique à Olivier, il dirait plutôt. Tu sens quand même du texte. Il dirait plutôt. Olivier dirait plutôt. Mais vraiment, hein. Ça, c'est un truc. Ça dépend de rebutoire chez moi, l'écriture. Ah ouais, ouais. Ah ouais, ça. J'écris, c'est vraiment que je suis obligé. Il y a une aversion et tout. Mais ça pourrait. On m'a tellement tapé sur les doigts que. Même en dictée, parce que c'est. Ah ouais, c'est un trou. C'est le contraire de. Bah, juste. C'est très bien. Parce que c'est vraiment pas dans l'esprit là. On n'est vraiment pas là pour faire une rédaction. Ne serait-ce que. Reprendre de mes expériences de professionnel pour faire un CV, ouais, c'est une corvée. C'est un truc. Oui, je comprends. C'est, là, c'est le côté écriture qui est rébarbatif. Sans réfléchir à ce que tu dois écrire, en fait. Ouais, juste te dire, bah, voilà, je moi j'ai un gros problème. Moi, c'est le contraire. De prendre un stylo dans la main et devoir gratter du papier. Amélie, moi, c'est le contraire. J'arrive pas à me passer d'écrire. Je suis devant la télé, j'ai mon stylo. Ouais. Allez, puis comme ça, je regarde la télé, je regarde un film intéressant, j'écris tout, les reportages, je regarde des trucs dans le monde, les animaux, tout, parce que je me dis c'est intéressant. Si un jour j'ai rien, ben, j'aurai ça pour lire, et je suis comme ça, même dans des feuilletons débiles ou des trucs comme ça, j'écris. Même au lit, alors, avec un minimum de lumière. Comment on a démarré l'atelier? Vous pouvez me dire à Olivier comment on a démarré l'atelier? Ah oui, on va te raconter. Mais puis Aïssa, et Amélie aussi. Oui. Je sais pas. Ben comment on a commencé. Oui. Quelque chose qui n'a rien à voir avec l'écriture, en fait. Non, non, c'était très intéressant. On a commencé par Éther. Hein, non, avant. Pour se lâcher comme ça. Ah oui, on a fait le. On a fait le fou rire, on s'est tous mis à. Oui, on s'est mis à. On a fait semblant de rire jusqu'à arriver à rire. On a rigolé des épaules. On s'est forcé à rigoler, puis on a vraiment rigolé. Voilà. Et puis voilà, c'est ça. Puis après, bon, il y a eu tout le déroulement. C'était pas. Moi, j'ai pas senti le fou rire quand même qui fait mal au ventre, quoi. Non, moi, si. Il aurait fallu continuer un petit peu encore. J'ai mal les abdos. C'est vrai, c'est pour ça. T'avais mal les abdos, toi. C'est parti physiquement, l'atelier d'écriture. Voilà, ouais. Mais je sais ce que dirait Olivier, moi. Comment sait-il que je sais ce que dirait Olivier? Parce que je l'ai noté. J'ai noté ce que tu dirais, toi. Ça te dit ce que tu dirais? Alors tu dirais, à propos de l'écriture, « Je suis sourd comme un pot à vos idées, et le clic, le claque de vos tombes, au tic, au nas, au nez, rend ma mèche plus blanche. » Ah ben voilà. C'est vraiment écrit, ça, quoi. Il a la mèche blanche aussi. C'est excellent. Ben, mon stylo, il est crépus, c'est pas un signe, ça. J'ai foutu. Ça fait trois fois. Un mec qui fait des abdominaux, il rigole tous les jours. Il rigole deux fois par jour. Les il fait une séance abdominaux, Moi, j'avais mal les abdos, moi, jusqu'à je rigolais. Moi, j'aime bien voir ma maman rire. Ou bien le ventre aussi, moi j'avais le poing de côté, là. J'aime bien voir ma maman rire autant que rire moi-même parce qu'elle a 87 ans et je me dis, c'est merveilleux qu'elle rit encore quoi, à cet âge. C'est, l'autre jour, c'était pendant les Miss France, il y avait une Miss, elle a dû un truc à côté de la plaque. Ma maman s'est mise à rire, elle ne l'arrêtait plus, elle était dans son lit. Elle a eu un trou de mémoire. Ouais. Je sais pas. C'était, elle s'est mise dans le feu. Je me souviens plus. Elle a eu un trou, j'ai regardé, pour une fois, j'ai regardé jusqu'au bout. Ça veut dire que j'ai regardé 10 minutes et je zappais. Et là, j'ai regardé jusqu'au bout. Est-ce qu'il est toujours là, Jean-Pierre Foucault? Oui. Comment c'est son nom déjà? Jean-Pierre Foucault. Jean-Pierre Foucault. Ouais, c'est lui, ouais, c'est lui. Parce que Aïssat, c'est ma cousine, c'est alambiqué, mais c'est super joli, c'est beau. Et mais bon, elle fait que les robes de soirée, mais c'était beau aussi. Elle a fait des maillots de bain, pas qui découvraient tout, mais des culottes hautes, tu vois, un peu démodées, avec une veste qui Saint-Laurent. Et je trouve elle fait des belles choses aussi. C'est une belle personne. Je l'ai rencontrée, je l'ai vue 3-4 fois. Mm-hmm. Elle est vraiment super gentille, accessible. J'aime beaucoup. Et donc j'ai dit à Sekunino qui regarde. Et c'est vrai que bon, après c'est. Je sais pas quoi faire. J'ai... Non mais c'est Juanita. Jambalo. Africaine, tu sais, il y a un fond de country comme l'Amérique, un fond un peu. Je sais pas si c'est moi qui ressens ça avec erreur ou. Enfin, moi je le ressens un peu comme la country un peu américaine, mais. Country mauritanienne. Country, ouais, c'est un peu country, tu sais. Je crois que c'est bougien ça. Ah bon? Non. Non, je dirais c'est mauritanien. Non. Non, c'est moi, c'est vous. Non, mais je ressens à fond de country. Bah, c'est mon côté country, peut-être. Ouais. Ouais. Il y a un côté country dans les Vosges. Peut-être qu'on connaît pas vraiment elle, mais il y a des influences. Moi, il y en a une que j'adore, c'est Aïssat. Il y en a une que j'adore, c'est Seven Seconds. Après, peut-être que Tracy Chapman, elle a des côtés country. C'est une chanson, je reçois, mais Néné Chéri et le Soundour. Oh, cette chanson, j'en suis folle. Maintenant, je pleure moins facilement quand j'écoute de la musique, mais il y a un moment, la chanson là, je l'écoutais, mais je pleurais quoi. C'était vraiment, j'étais éthérée. La chanson là, elle m'éthérait. Ah ouais. Elle m'éthérait. Oui, mais de toute façon, c'est ça qui est chouette dans la musique et dans les sons. Ouais. Il y a des morceaux, ils te retournent la tête. Ah ouais. L'éthéré, ouais, ça pourrait être 7 secondes pour moi, dans la musique. Ouais. Après, comment tu l'as composée, ta chanson? Est-ce que c'est une chanson à toi? Est-ce que c'est une mélodie? Elle vient d'où, cette belle mélodie? Dès que tu la chantes, on a envie de reprendre le refrain avec. C'est chouette. Alors, là, de bien précisément, je ne saurais dire. Si, c'est de toi. Forcément, elle revient forcément de quelque part. Après, peut-être parce que c'est des accords simples que j'utilise, quoi. Ouais. Mm-hmm. C'est des chansons simples, moi, c'est des chansons. C'est pour les petits. Non, on est tous des enfants, j'ai envie de dire, voilà, c'est ça. Mais c'est une chanson. On dit que voilà, la paix, c'est un... Diam, c'est la paix dans ma langue. Ouais. Et en fait, comme ce mot-là est. Il existe dans toutes les langues. Diam, c'est la paix. Ouais. Et en fait, ça résume un peu ce que j'essaie de faire modestement dans. Là où tu te trouves. Voilà. Ça un peu. Ouais. C'est ça. Une affaire de paix, quoi. Mmh. À l'intérieur, à l'extérieur. Il y a aussi la chanson. Que tu dis chanter, une vie retenue, c'est monter les uns contre les autres. Ah oui. Mmh. C'est vraiment vieille, ça. C'est un peu vieille, ça. Elle retrace l'authenticité, l'authenticité de ce qui se passe autour de nous. Ah, c'est là. C'est pareil. Je veux dire que moi, mes chansons, elles sont toutes simples. Il n'y a pas de découverte, il n'y a pas de. C'est que des trucs que je vois avec mes petits yeux. Mmh. Donc, c'est les yeux d'artiste. Voilà, soit monter les uns contre les autres. Mmh. Enfin, je veux dire, c'est comme dire le soleil se lève. Pour toi, c'est comme dire le soleil se lève. Ben, c'est-à-dire que c'est pas. Je veux dire, je vais pas chercher très loin pour. Ouais, okay. C'est très très simple. T'as tout devant toi. C'est monter les uns contre les autres parce que c'est une réalité. C'est une réalité, c'est un constat. Et que c'est vrai, et que même si on le sait, on se voit pas. Je pense pas qu'on se voit vraiment se tendre au point d'être à un point de non-retour. Quoi. On glisse. On se voit pas vraiment. On se voit pas, parce que on se voit pas vraiment. C'est des mots. C'est les mots qu'il y a dans l'air, en fait. Et puis après, c'est en fonction de la charge de chaque mot et de chaque. Et tout ça qui fait que. On suit un peu les choses, quoi, mais pour moi, voilà. Donc, monter les uns contre les autres, c'est des recettes, ça a toujours fonctionné, même si on le sait, raisonnablement, on sait très bien que, voilà, pour diviser, pour régner, c'est très bien d'avoir des gens éparpillés, et du coup, malgré tout, on a du mal à résister au vent de ça, justement, à ces vents-là, parce que là, par exemple, tous les lieux qui sont des garde-fous pour préserver ça, justement, ils changent, ils mutent, ils disparaissent, il y en a qui disparaissent et tout. Là maintenant, c'est les réseaux sociaux, parce que c'est un peu la place du marché, le café du commerce, le bistrot du commerce, quoi, parce que c'est un besoin vital, justement. Et là, comme on est chacun dans des. Là, chacun son club, chacun son truc et tout. On est piégé un peu. Donc, ça demande plus d'efforts. Ouais, parce que là, vraiment, réellement, diviser pour mieux régner, ça. On est vraiment dedans parce que ça s'immisce même dans les familles et tout ça. Mmh. Puis après, s'il y a des trucs, on peut même pas en parler. Mmh. C'est déjà compliqué, quoi. Ouais. Et du coup, tout le monde se méfie de tout le monde et tout. Et puis c'est vrai, c'est une vieille chanson, mais... Ça commence à la famille, c'est familial. On peut l'utiliser pour l'Antiquité, pour aujourd'hui. Pour... Mm-hmm. Moi, il y a un truc où je me suis sentie piégée, ou vraiment, enfin, un truc que j'ai mal vécu, c'est l'interdiction de fumer dans les cafés. Dans les restaurants, je dis pas. Et dans les cafés, ça m'a, mais j'ai eu un mal fou à m'adapter. Et... il y a des choses qui mutent, comme tu dis. Mais ce qui est dommage, C'est pas que ça mute, en fait. Le truc que ça mute, c'est normal. C'est enfin, non, il y a pas de norme, mais c'est que ça évolue, ça va. Mais le problème, c'est qu'il y a des choses qui disparaissent, que ça change encore. Il y a une évolution, mais on garde l'origine des choses. Mais il y a des choses qui disparaissent carrément. C'est-à-dire qu'il y a plus, quoi. C'est puis d'un autre côté, est-ce que il faut ils détruisent les livres maintenant, c'est une absurdité, quoi. Je veux dire, il y a plein de choses qui sont détruites, mais d'un autre côté, il y a tellement de choses qui sont dans les musées, les bibliothèques. Il y a quand même un patrimoine immense. Et on ne peut pas accéder à tout ou à des choses précises. On est obligé de se contenter de choses qui nous parlent. On discutait dans la voiture tout à l'heure. J'avais adoré un film et en fait j'ai trouvé Opus, je suis tombée net comme ça sur le livre d'origine, un policier banal. Mais quand on cherche, j'aurais recherché, j'aurais pas trouvé, quoi. Et des fois on est coupé du patrimoine de choses on voudrait chercher, trouver et on aurait presque tendance à prendre ça pour un signe. Ouais, c'est un signe. Ouais. Parce que moi je crois pas ça, mais. Ben bah non, toi tu crois. Ouais, si j'ai été dans cette forme de croyance, je prenais ça pour des signes des fois, des choses comme ça pour des signes. Mais il y a une religion qui consiste à détecter les symboles de la vie et à les positiver. Et le jeu consiste à rencontrer tous les symboles et de les classer à sa manière jusqu'à ce que les ayant tous rencontrés. Tu es libéré ton esprit de toute situation, dramatique ou pas, et ayant positivé, tu te retrouves positif tout simplement. Dans toute situation, d'avoir rencontré les symboles. Alors après, les ranger à sa manière. Hein, quel genre de symbole ? Bah tout. Par exemple, tu as des lunettes transparentes, et puis tu as des lunettes de soleil. Ah oui. Donc si tu as des lunettes de soleil, il fait beau dehors, mais tu mets rarement des lunettes de. Par exemple, moi j'ai des lunettes, d'accord. Je suis obligé de mettre des lunettes parce qu'on me brûle les yeux, mais à distance. Parce qu'il y a des gars, comme Alain Bachung, on lui a cramé les yeux. Il s'est retrouvé, clac, on l'a flashé, comme des hypnologues. Il y a des hypnologues, on leur a cramé les yeux. Des mecs, ils envoient des flashs comme ça, regarde. Il fait, tu sais, tu as une conversation intéressante. Non, je vais pas te le faire. Mais il donne une conversation intéressante, tu parles comme ça, bien, bien, bien. Le mec, il fait « Ah oui !» Comme ça, première étape, il fait « Ah oui !» Deuxième étape, il fait « Ah oui !» Il écarquille deuxièmement. Et bien là, la troisième fois, il a dit « Ah oui !» Hop, tac, il a piqué ta mémoire. Piquer ta mémoire, mec. D'ailleurs, si je me rappelle, tu vas faire la toi, cerveau, tu t'en fous, ça t'est jamais arrivé. Non. Moi, ça m'arrive trois fois par an. Hein. Mais je me demande si tu vas pas faire la vague de cerveau. Là. Il faut que je me remémore tout. Je me recolle. Comme un ordi. Allez, hop, révision. Bah, c'est un symbole, si tu veux. Ouais, je comprends. Moi, j'ai le symbole de savoir qu'il y a des mecs qui peuvent piquer la mémoire rien qu'en faisant ce que je viens de te dire. Il fait trois fois oui, et manque de bol, la troisième fois oui. Il t'a capturé une partie de ta mémoire. Du sujet dont tu parlais, hein. Il est reparti avec le cerveau sous le bras, non ? Ben, il y a des ambassadeurs qui sont fait piquer leur cerveau. Rigolez pas, c'est pas... Et ton ambassadeur, tu reviens, t'es chômeur, quoi. Non, mais si, ouais. Il est pas ambassadeur, le chômeur, quoi. Il est pas, sinon, ambassadeur de l'attente. Non, mais c'est un exemple, ambassadeur. Mon premier symbole. Tu vois, comme ça, t'en as toute la journée des symboles. Pourquoi tu portes du bleu ? Parce que c'est foncé, c'est moins ça semble du blanc. Bien, c'en est un. Mais sais-tu que le bleu est calmant pour toi ? Bleu clair. Oui, le bleu apaise. Oui, ben voilà. Ben c'est une forme de symbole. Donc les couleurs sont un symbole. Les formes sont un symbole, les mots partagés sont des symboles, et puis il y a des gens, ils t'inventent des symboles. Par exemple, il va te mettre le matin une lampe sur le bureau, mais il va allumer la lampe. Mais jamais il avait allumé la lampe auparavant. Moi, je verrais plutôt comme symbole un disque. Non, mais des symboles, c'est toute la journée qu'on a. Tout est symbole. Ouais, t'es même un symbole. Un sexe symbole. Un sexe symbole. Un sexe symbole. Ben, c'est un gros symbole, Dieu. Ah, les Miss France, les Miss France. On l'a fait, hein. On l'a fait, les Miss France. Voilà, je pense que c'est intéressant. Ça, oui. Oui. J'ai dit que ça, c'est ça. Moi, je m'en rappelle pas. C'est toute la littérature. J'en ai tellement de fois de costume. Oui, que... Alors, mère nature se fâche. je connaissais pas. Ah, j'ai déjà entendu. Merci à toi. Merci, Elsa. Merci, Elsa. C'est beau et c'est gentil. C'est, ah, c'est précieux ce que tu as là. C'est... Ouais. Ah, salut. Tu peux peut-être ce que tu m'avais dit l'autre soir, c'est Sylvie, reparler un peu de ton projet de. Puisque tu, à la radio est là, ton projet c'est de. Tu n'avais pas enregistré l'autre jour. Je crois pas, ton projet de Madagascar, de Mauritanie, je veux dire. Hein. Ton projet de caravane. Oui. Parce que tu as le camion qui est là, tout près. Hein. Il y a le camion là, il se repose, ça va. Et en fait, le caravan, le camion. Le caravan, oh, c'est pas mal. Le caravan, le caravan. Un caravan, oui. Oui, parce que on va le customiser, on l'a pas encore customisé, mais. Du coup, caramion, c'est ça que j'ai dit. Caramion, ouais. Garde-le ce mot-là. Ouais, oui, ça va avec mignon, ça va avec caravane. Caramion, on est dans le thème, donc bah, écoute, c'est un état d'esprit. Hein. Et en fait, la caravane, voilà, c'est la caravane de la paix, en fait. Et du coup, l'idée, c'est de rencontrer les personnes et de créer, voilà, d'échanger. Et puis de se rencontrer à différents endroits, ici et là. Sachant que nous, on a le cap, la destination, c'est le Fouta, donc cette région comprise entre le nord du Sénégal et le sud mauritanien. Tout ceci en hommage aux personnes comme mon papa qui ont fait cette route-là il y a des dizaines et des dizaines d'années, qui sont partis de là-bas à pied et qui sont venus ici. Et voilà la raison de pourquoi je suis ici. À pied ? Ouais. Ouais. Mais c'est beaucoup d'aventures. Et donc, en fait, voilà, pour plein de raisons. C'est pour ça qu'elle est née, cette idée de caravane, et qu'elle dure depuis très longtemps. Et en fait, on n'a pas encore pu faire l'itinéraire physiquement, donc partir du Tio et aller jusqu'au Fouta, mais on considère qu'on est en tournée depuis un certain temps aujourd'hui. Et que du coup, on continue, on poursuit en ayant l'espoir, en nourrissant l'espoir de pouvoir aller jusque là-bas. C'est compliqué. Alors là, nous, on va nourrir l'espoir. Là, les Sélénites se renvoient, yes, tout ça pour que ça se fasse et tout. Voilà. Voilà. Ouais. Alors, ce que tu m'as expliqué, c'est que cette caravane, il y aura des gens qui vont faire toute la caravane. Oui. Mais d'autres qui pourront en passage venir se joindre à des moments de la caravane. Et en passage, fonction des dates, voilà. Donc on prépare la petite tournée. Aussi bien en Alsace, tu m'avais dit. Oui, en Alsace. À Strasbourg. Voilà. Et il y aura des musiciens. Et qui est Issat, s'il te plaît? Comme musicien, alors moi j'ai la chance d'être entouré de bons musiciens, mais là encore une fois, ça dépend un peu du budget parce que. Voilà, on a des vies un peu pas évidentes, voilà, à faire de cachet et tout. Ouais. Mais en fait, les musiciens sont motivés pour nous rejoindre sur quelques dates avec des. Voilà, donc. Mais il y a que des musiciens ou c'est des poètes et... C'est tout. Genre, vraiment, c'est des humains. Voilà. Avant tout. Ouais. Des humains, et l'idée, c'est vraiment de se rencontrer. Et comme ça, de se donner un peu du courage, stimuler un peu l'esprit de solidarité. Et en fait, ça va nous aider à aller jusque là-bas. Inch'Allah, j'espère. Voilà. Pour l'instant, on a des dates qui sont un peu prévues. On a déjà fait quelques dates. On a quelques dates de prévues à droite, à gauche. Mais là... Compte tenu des conditions qui sont de plus en plus compliquées, voilà quoi. On se transforme un peu en. Comme on peut. Voilà. Chacun fait comme il peut, avec les moyens. Et l'important après, c'est que voilà. Après, moi, je dis juste que en tant qu'artiste ou etc., ou personnes qui ont envie de rencontrer d'autres personnes ou qui sentent quelque part qu'il y a un péril. Humain dans le sens où voilà on manque de se retrouver, on manque de se parler, etc. et tout ça, ben, c'est une occasion de se mobiliser, de créer des trucs autour, parce que je pense que les gens comme nous, quand je dis comme nous, c'est-à-dire minoritaire, donc on est tous minoritaires quelque part. Laissez bah, un. Laissez... Bah voilà quoi, si on peut se mettre en mouvement. Laissez une trace de ça. Là-bas. Laissez une trace de votre rencontre là-bas. Oui, ici, là-bas. Ça enchaîne. Hein. Ici, là-bas, parce que vraiment, l'idée, l'état d'esprit, c'est... En fait, on est comme des artisans, comme des fromagers, comme des... Voilà, chacun avec son talent, son envie, son cœur, et puis on va rencontrer les gens, et on échange, et de ça, forcément, il naît des choses intéressantes et plus profondes, quoi, parce que c'est ça qui est intéressant. Sinon, ça sert à rien. Sinon, ça, j'aurais déjà pu le faire maintes et maintes fois. Mais pourquoi je le fais pas? Parce que c'est l'humain qui prime d'abord. Donc en fait, il faut que ça déborde d'humain. Voilà quoi, les bisounours, je veux dire. Et je sais que c'est souvent. On prend ça un peu pour de la naïveté. Eh bien, soit, je veux dire, moi, il y en a qui sont la cervelle, qui sont capables de tout un tas de trucs, de mentir sans aucune vergogne devant des millions de personnes, même de sacrifier des générations entières et tout ça. Sans sourciller, donc je me dis bah, pourquoi pas, oui, l'armée des bisounours, oui, exactement, moi je reste convaincue que l'amour en tant que tel, ça peut faire vaciller des cœurs, ça peut troubler, ça peut faire en sorte qu'on ait envie d'aller explorer d'autres voies et tout, et puis de toute façon comme je le disais, je le fais à plusieurs niveaux, c'est parce que de part, moi je suis un peu une désespérée qui désespère pas de rencontrer des gens un peu comme moi et puis de créer des souvenirs qui me donnent de la force pour poursuivre et marcher, continuer à marcher sur les traces de mon père et de ses prédécesseurs. Voilà. C'est courageux quand même. Tes étapes sont des lieux que tu as déjà repérés. Alors oui, il y a des endroits où je suis déjà passée. Oui. Et donc comme c'est un projet qui date et pour lequel vraiment c'est... la nourriture de ce projet, c'est vraiment l'humain et la rencontre. Donc les personnes que j'ai rencontrées au fur et à mesure de mes années d'errance un peu à droite à gauche, on a tissé des liens intéressants qui permettent de dire aujourd'hui, voilà quoi, on peut ils nous attendent, etc. Et ensuite, je suis en train d'essayer modestement de concrétiser ça, donc par des dates précise avec tout ce qui comporte les exigences du truc, quoi, c'est-à-dire un minimum de budget et puis les dates fixées, sachant qu'après le Covid, etc. et tout, ben, y a des dates qu'on avait déjà fixées par ailleurs qui ont sauté. Donc là vraiment c'est presque c'est un peu, on est un peu au jour le jour quoi quand même, mais on est dans cette préparation là. Et puis moi je reste déterminée à partir cet été physiquement avec le camion et de faire la route, et donc sur le parcours j'espère pouvoir rencontrer les personnes avec lesquelles j'ai déjà parlé du projet et qui sont prêts à me recevoir, soit sur des terrains. Donc voilà, c'est un peu c'est un peu une somme de méthodes alternatives avec peut-être ça peut coïncider avec des festivals sur les dates et puis ainsi de suite. Enfin, moi je compte vraiment sur l'esprit de solidarité encore une fois et puis le fait que de toute façon ce projet-là il peut mobiliser puis des personnes qui le font avec le cœur. Quoi. Et je sais que sur la route. Carmion. Moi j'ai vu une artiste islandaise qui s'occupait de peau de mouton. Elle faisait renaître les poils, elle leur donnait une seconde vie. Elle disait tout ce que les gens jettent, moi je leur amasse. C'est une artiste qui redonnait vie à des peaux d'animaux, des écorces, tout ça. Elle disait que ça lui remplissait tellement le cœur d'amour qu'elle disait, il peut m'arriver un coup dur, j'aurai tellement plein d'amour dans mon cœur que ce sera impossible à vider, parce que elle se sentait elle disait qu'il fallait toujours qu'elle remplisse le verre au lieu de le vider complètement. Des jours on en manque aussi, c'est là-bas, non, c'est ça le moteur. Par exemple, tu as des lieux précis que tu vises dans le Grand Est déjà, puis après en descendant. Oui, bien sûr. Oui. Mais là, je ne vais pas donner les noms aujourd'hui, parce que... Oui, oui, parce qu'en fait, si tu veux, il y a beaucoup de paramètres. Aujourd'hui, il y a des dates qui sont calées, mais comme il y a déjà des dates qui ont sauté... C'est le bordel. Et que, en fait, plusieurs fois déjà, j'ai déjà annoncé, je comprends. En fait, là, je préfère... Oui, tu préfères pas oui, dire... Oui, donner rendez-vous, c'est donner des rendez-vous, mais et du coup, en fait, quand les dates, elles sont confirmées, je donne rendez-vous, quoi. Puis on a essayé ça un peu, là, avec quelques dates où ça a pas mal fonctionné. Donc, j'ai bon espoir. Mais par exemple, effectivement, quand tu es bon en France, on te suivra après, mais pour après, quand tu seras en Espagne, tout ça, hein. Ben, on communiquera par WhatsApp. Ouais. Vous pouvez m'accompagner. C'est bien le progrès. C'est bien le progrès. Ah ouais, c'est bien. C'est pratique. Mais si je peux me permettre, il y a un écrivain qui s'appelait Cizia Ziguet qui a transformé sa vie en mettant dans des camtars, justement, dans des camions, des pièces, à l'époque c'était des pièces automobiles pour l'Afrique, parce qu'il manquait de pièces automobiles. Donc toi, comme tu as un camion, ce qui serait intéressant, c'est de mettre dans ton camion des objets que tu puisses disperser sur ton chemin, au fil du temps, au fil de l'espace, au fil des gens que tu rencontres. Et puis tu gagnes 2-3 sous sur le budget que tu as misé au départ. Tu vis ça, ou bien tu le donnes, parce qu'il y a des gens, par exemple, ils vont en Tunisie, et ils donnent des stylos. Ça a l'air de rien, mais tu donnes des... Parce que les gamins, t'arrives en Tunisie, les gamins, ils sautent dessus, ils disent, t'as pas cadeau. Alors, ce que tu fais quand tu vas en Tunisie, tu prends, je sais pas, une centaine de stylos, et puis t'en donnes un gamin, et puis voilà, il est content, il se barre avec son stylo. Mais c'est l'idée du stylo. Ils le font, le 4L Trophy, c'est ça. Elle a un garage énorme, rempli. Elle a de quoi remplir bientôt 3 conteneurs. Non, un bon conteneur. Ah bon, c'est ça? C'est ça que tu vas faire quand même? Yeah. Avec des trucs médicaux, plein. Ah oui, médicaux, bien. C'est s'intéresser aux besoins réels, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ce que t'as. Ah ouais, j'ai rien à dire, moi. On te suivra, hein. Yes. Et on te soutiendra. Ça te videra aussi. Physiquement et moralement. Ouais, on aura peut-être besoin de bénévoles pour un petit tri, mais champêtre, quoi. Si jamais vous êtes là, on verra. Ce sera après le printemps, avant que je parte. Parce qu'il y a beaucoup d'affaires. Tu vas chanter de l'art, quoi. Et notre asso s'appelle Chanson du Monde, du singulier. Ouais. Et donc on peut. Chanson du Monde, singulier. Ouais, voilà. Donc on prend même les. 1 euro, on prend 2 euros, 5 euros. Il n'y a pas de petite contribution, quoi. Bien sûr. Tout est possible. Aujourd'hui, on en est à peu près à 1000 euros de banquet. Et puis, de toute façon, toutes les pièces sont bonnes à prendre. D'accord. Mais t'appelles les banques. Les banques, c'est moi, je veux bien, mais c'est les banques qui ne veulent pas. T'as pas travaillé au moins, les banques, toi, Christophe. Et la culture. Hein? T'as pas été banquier, toi. Conseiller, banquier. Conseiller financier. Pourquoi, c'est quoi la question? Casque. Non, la banque, elle est riche, elle casque pas. Elle a les moyens de faire de la pub. Dans les années 2000. Ça serait bien. Mais il faut. Je plaisante. Non, mais il n'y a pas de problème. Balèbe, c'est noir, les noirs. Mm-hmm. Et balèbe, c'est les aider. Et en fait, c'est par rapport aux noirs, parce que c'est comme une complainte, en fait. Parce que si tu veux, je l'ai écrite celle-là parce que j'ai trouvé que, tu vois, en Afrique, bon, il y a beaucoup de problèmes, mais il y avait ce truc-là de, j'ai trouvé que le noir vis-à-vis du noir aussi, il était un peu dur, quoi. Et trop dur. Et en fait, même quand il y a des personnes qui essayent de faire des choses et tout ça, en fait, on voit tout de suite le côté bancal, le côté etc. Et donc, du coup, c'était un moment où, voilà, quoi, je me disais, mais mon Dieu, mais faut qu'on s'aime un peu plus. Il faut qu'on s'aime un peu plus. Et puis, en Mauritanie, ben, il y a un racisme institutionnel. Et les noirs, donc, bah, ils sont discriminés. Et en plus, comme les noirs sont discriminés, bah, entre eux, il y a des tensions, quoi. Mm-hmm. Donc, en fait, quand il y en a un qui a, l'autre, bah, il a un petit peu la rage, il peut être un peu rageux. Du coup, bah, voilà. Pourquoi, à Hussat, c'est un peu comme en France, tu vois, une personne qui a un cancer, on va lui dire, là, est-ce que ça va, t'as pas trop mal, tes rayons, t'as pas trop d'effets secondaires. Du coup, les personnes qui sont cancéreuses, des fois, elles se sentent un peu discriminées par les autres qui leur posent des questions. J'ai vu un témoignage l'autre jour de femmes qui témoignaient dans le cadre de reportages sur les femmes. Elle disait, la personne s'intéresse à l'autre maladroitement, mais c'est un intérêt quand même. Et ça rejoint le fait d'aider... Il y a plein de facteurs. Mais disons que ce qui est terrible, bah, par exemple, il y a eu des cas de personnes, justement, toi, on parlait tout à l'heure de quand t'es l'étranger quelque part et tout. Et il y a des cas où, par exemple, des ressortissants d'un pays africain qui migrent dans un autre pays africain. Du fait qu'en fait, bah, les gens sont déjà dans une situation un peu précaire, on va dire, la haine, elle va se rabattre un peu sur les étrangers qui viennent là pour bosser, et alors que dans le même temps, la plupart des échanges se font entre pays. Mais c'est ceux qui ont déjà les moyens de se payer un billet d'avion, etc. Et tout ça, tous les chemins par route et tout ça, là, ça, c'est toujours un petit peu plus ou moins compliqué. Et puis, quand on voit aussi parfois, il peut y avoir des différences de traitement qui sont alimentées aussi, parce qu'il y a tout un imaginaire, tout un truc qu'on nous a rentré dans le crâne. Et comme ça fait tellement longtemps, ça prendra autant de temps pour que ça disparaisse. Ça. Et c'est faut pas sous-estimer ce truc-là, parce que du coup, ça implique chez les uns chez les autres des attitudes, des comportements, et ça contribue à avoir des scènes des fois où la violence elle s'exprime, et puis quand la violence elle sort, elle s'abat sur n'importe qui, et des gens sont morts à force de coups de la population, parce que voilà, ils étaient traités comme des personnes étrangères sans aucune compassion, parce que c'est des personnes pauvres. Parce que la personne étrangère qui a des billets, celle-là, c'est pas pareil. Et ça, quand on regarde ça un peu, on prend du recul, c'est partout pareil. Et puis, moi, les petits voyages que j'ai pu faire un peu à droite, à gauche et tout ça, alhamdoulilah, Dieu merci, j'ai de la chance déjà, parce que je sais très bien que ça m'a ouvert des portes où jamais de la vie j'aurais pu accéder à ces endroits-là et tout. Mais en fait, je me suis rendu compte quand même qu'il y avait ce truc-là, là, avec cette couleur de peau. Le foncé, du plus foncé au plus clair, toutes ces choses-là, et je me dis que c'est pas possible, quoi. Tu vois, ça me fait trop de la peine, moi, de voir des petites qui ne s'aiment pas, ou des petits qui ne s'aiment pas, ou des personnes adultes qui sont complètement en fuite. C'est compliqué. Et puis moi-même, je veux dire, né ici, tout ça, trouver sa place, c'est pas évident. Et puis en plus, c'est des choses qu'on me reproche, pas clairement, mais en fait, c'est ressenti. Et cette question de la place, elle est trop importante, mais pour l'humain, d'une manière générale. Il ne devrait pas y avoir des conditions, tu vois. Je veux dire, t'es là, quoi. Et ça pose question, donc. Donc voilà pour tout ça, parce que je trouve qu'on est dur, quoi. On est vraiment trop dur. Tu sais, en Mauritanie, il y a les Haratin. Donc, eux, ils sont une composante de la population. C'est des personnes qui sont acculturées parce qu'elles sont nées esclaves. C'est des personnes noires qui, du coup, en fait, ne se possèdent pas elles-mêmes et appartiennent à des familles mortes, blanches et noires. Et donc, en fait, tout ce truc-là, il est un petit peu il est intéressant, moi, de mon point de vue, parce que justement ça prouve bien que c'est il y a cette histoire de couleur, et après il y a cette histoire aussi de ce qu'on fait d'un être humain, quoi, comment jusqu'où on le conditionne. Ouais. Et donc les Haratin, ils ont quand même il y a quand même des volontés d'émancipation et tout, il y a des luttes et tout. Il y a une personne qui est très investie, qui s'est fait taper, emprisonner, etc., qui est assez connue parce qu'il a réussi à faire monter un peu les dossiers à un niveau international et compagnie et tout ça. Lui, il est Haratin, mais c'est un Haratin qui a pu avoir accès à l'école, etc., et tout ça. Et donc, il défend la cause de tout le monde. Mais je veux dire, les Haratin, parce que vraiment, eux, c'est, ils n'ont pas de... Voilà, quoi. On peut les tuer comme on veut. On peut les asservir comme on veut. Et puis l'esclavage, il est tellement imprégné que même s'il y a une loi dans les années 2000, hein, c'est pas vieux, une loi qui est sortie pour abolir ça... en fait, c'est tellement ancré que les personnes, elles n'osent pas fuir. Et puis, il y a des pressions, etc. Et tout ça sur les gens, etc. Et tout. Donc, le regard que les gens portent sur les Haratin, il est terrible, quoi. C'est comme le... c'est pas tout à fait pareil, mais je veux dire, le regard qu'on porte sur les Roms, sur les Gitans, tu vois, c'est pareil. C'est... Moi, j'aime bien. C'est un truc de fou. Moi, des fois, ça me glace. Hein. Parce que je me dis, ah ouais, quand même, parce que ça fait quand même une plombe que... Ce sont des personnes qui vont et qui viennent et qui vivent et qui cela, mais on les force, on leur met la pression et tout. Et puis là, on arrive à un point de pression... concernant eux qui est compliqué. Puis ça, si personne ne dit rien, par exemple, c'est sûr que ça va se répandre sur les autres personnes, parce que c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Et ben c'est triste. Est-ce que la femme, elle a une influence forte? Alors là, de mon point de vue, là, c'est juste moi qui parle. D'une manière générale, ben, je pense que la femme, elle a une influence forte. C'est un petit peu, elle n'a pas trop le choix. Parce que c'est un petit peu sa vie qui la forme à ça, déjà. Et puis après, pour parler de la femme africaine, mais avec des gros guillemets, parce que après, c'est toujours un petit peu plus complexe. Mais les sociétés, le rôle et l'importance de la femme, de la maman, voilà, c'est quand même central, c'est capital. Même si il peut y avoir ici et là des personnes qui sont misogynes à mort et puis qui font la merde, quoi. Mais ça, c'est international aussi. Oui. Mais là-bas, vraiment, elles sont... La mère est quand même... Ouais, ben, par exemple, tu vois, je pense à une... à l'équipe de foot de Nouakchott, qui est une équipe féminine. Et comment elles se sont battues pour se faire respecter, etc. Et tout ça, la lutte que ça a été, ben, franchement... Ça mérite d'être raconté, quoi. Je veux dire, c'est des filles qui juste kiffaient se retrouver tout ça, et malgré tout, voilà, malgré tous les trucs qu'on dit, voilà, tu sais, le fait que voilà, oh, mais à quoi ça sert, pourquoi vous faites ça, c'est pas votre place ou quoi, aux caisses, elles se sont, oui, ou que ça sert à rien, ou que je sais pas quoi, des trucs vraiment. Les athlètes olympiques, c'est qu'ils font 100 mètres, 200 mètres, 10 000 mètres, 100 hauteurs. Alors, il n'y a pas une super grande équipe olympique, si c'est pour ça. En fait, je veux dire qu'il y a des athlètes. C'est comme le foot, hein. Mais c'est en devenir, on va dire. Mais par contre, le foot, je trouve que c'est un très bon exemple, parce que c'est des jeunes, c'est des nanas. Tu vois, des jeunes, voilà, comme ici, ils peuvent faire des choses, tu vois. Elles ont monté leur équipe, elles se sont battues, elles se sont entraînées. Moi, j'imagine un film, quoi. Elles se sont entraînées. Mmh. On se foutait de leur gueule, on les remettait toujours dans les filets de « Oh, vous êtes des nanas, mais pourquoi faire ?» et patati patacoufa. Elles ont remporté des trophées, etc. et tout, qui les ont menées à des championnats accompagnés et tout ça. Et en fait, elles ont gagné quand même une coupe, la Coupe d'Afrique. Quand même. Et puis, elles ont développé des liens avec l'Espagne, je crois. Et puis, une autre équipe. Bah, la France, moi, j'aimerais bien. Mais bon, mais moi, je me dis déjà, si les nanas là, ou quelques-unes d'entre elles, tu vois, elles puissent faire des connexions avec des nanas d'ici, parce qu'il y a des nanas aussi qui jouent au foot ici. Oui, oui. Bah, bien sûr. Et ici aussi, c'est pas évident, je veux dire, parce que ici, c'est pas bon, on va se foutre peut-être de leur gueule ou quoi. C'est tu peux faire ce que tu veux, mais avant ça, faut que tu gères. Il faut que tu gères la gestion quotidienne, quoi. Oui, après, tu fais ce que tu veux. Pour greffer sur ton projet. De toute façon, il est associé avec les joueurs des équipes féminines françaises pour faire comme une espèce de lien. J'avais été rencontrer justement la présidente de cette, du coup, c'est devenu un truc assez important quand même là-bas. Fédération. Oui, des filles et tout ça. Tout sport confondu là-bas, quoi, je veux dire, moi, pour les femmes, elles peuvent pratiquer tous les sports, vu qu'elles pratiquent le foot. Elle peut pratiquer l'athlétisme, du handball, tout ce qui est sport collectif, tout ce qui est... Oui, mais tu vois, c'est une bagarre à chaque fois. Oui, je vois, c'est une... Mais j'ai vu, je ne sais pas dans quel pays d'Afrique, les athlètes féminines, hein, je te parle, hein, comme tu parles du féminin, les athlètes féminines sont respectées, elles sont même recrutées dans certains pays d'Afrique pour faire beaucoup de longues distances, vu que c'est qu'elles sont très, très fortes. Et il est préparé pour les Jeux des JO. Ouais, mais tout ça aussi. Elles sont redoutées. Ouais, mais tu vois, moi, je me méfie un petit peu de tout ça. Ailleurs. Enfin, les Jeux Olympiques et toutes les cérémonies un peu cheloues, là. Ça y est, je vois même plus l'intérêt de faire semblant, de parler de valeurs et compagnie, alors qu'en fait, c'est tout dégueulasse. Ça m'intéresse pas trop. Aïssa, j'ai une question à te poser, parce qu'un jour, je me suis dit dans ma tête, mais en fait, l'esclavage, il est quand même pas totalement aboli, puisqu'il y a encore des ramasseurs de cacao, de café. Comment ils sont payés, comment elles sont payées, ces personnes? Ça dépend des endroits, mais je veux dire... Ça dépend des endroits. En Asie, par exemple, Les enfants ouais. sont mis à contribution pour faire des habits. Ouais. Ils sont battus, ils sont. Et en fait, sur toute la surface du globe, il y a des personnes qui sont mises en esclavage. Bien sûr. C'est une condition. Ouais. Et donc, en fait, là, justement, c'est pour ça le péril humain, entre guillemets, c'est vraiment le fait de se relever et de faire les choses. Moi, je dis faire les choses, fils à Billy de là. Mais chaque personne fait les choses par son cœur, quoi. Parce que ça, on ne peut pas mettre de prix là-dedans. Non. Tu vois, moi, ça fait 15 et presque 20 ans que je suis dans le même truc. Et que voilà, quoi, c'est pas évident et tout ça. Mais il y a quelque chose que personne ne peut enlever. C'est les vrais trucs qu'on a vécu. Soit voilà. On peut le faire à grande échelle, soit à petite échelle. Ouais, exactement. Bah oui, ouais, tu sais, aller voir. On choisit de mettre cette. Tant que c'est le cœur, c'est ça. Tu vois, par exemple, je sais pas moi, aller voir la voisine d'en face ou le voisin d'en face pour voir si ça va. Ouais. Je sais pas moi. Ouais. Bah, remonter des courses. Ce que je faisais à Lyon avec ma voisine. Que c'est donc hier. Mamie, elle buvait que du lait. J'allais lui chercher son lait, elle mangeait plus que ça. Non. À bientôt, chers amis. Bon. Au revoir. Au revoir. Oui. À bientôt. Merci. Bon toutou. Bonne, hein. Voilà, c'était donc la sélénite de décembre avec Aïssaté. On avait aussi Amélie Armao, qu'on n'a pas trop entendu là, mais qu'on a beaucoup entendu lors des colosses d'argile au Lavoir Théâtre, que j'ai passé la dernière fois, et que je repasserai une autre fois, bien sûr. Sachant que vous retrouverez des écrits réguliers sur ces sélénites dans l'Écho des Vosges, une partie avec la photo d'Aïssaté et les apparus, et une autre va paraître jeudi prochain, mercredi prochain maintenant. Voilà, ça paraît le mercredi, l'Écho des Vosges, et puis vous trouvez aussi tout cela sur mariepascal.fr. Voilà, le site de Marie Pascal, régulièrement. Voilà. l'instant des femmes bulgares. Et maintenant, nous allons retourner à Raison d'être d'il y a 8 jours. Et bien sûr, il y avait beaucoup de débats, une journée entière. Là, je vais vous donner une partie des discussions qui ont abouti aux décisions que vous avez entendues tout à l'heure. Et ces discussions, ces élaborations sont très intéressantes. Alors, je vous préviens, il y a peut-être des disparités de son, vu que les gens étaient épars dans une grande salle, la salle de ailleurs, le bistrot participatif, bistrot alternatif, troisième rive d'Épinal. Ça me fait penser que demain, oui, c'est encore temps, vous pouvez encore venir, il peut y avoir un peu de place, j'ai pas fait la publicité jusqu'à présent, j'aurais dû, c'est demain, samedi, donc 15, toutes les précautions d'usage, mais on n'a encore pas le pass vaccinal, je vous le signale, c'est pas voté encore, donc demain, au Centre culturel, eh bien, il y a un atelier ou une réunion d'information sur l'édition et l'auto-édition. Et c'est l'Union des écrivains vosgiens qui crée ça, que j'anime. Et on est une bonne dizaine. Vous aurez d'ailleurs des personnes que vous avez introduites tout à l'heure, dont Christophe qu'on entend souvent au Sélénite. Il sera là. Bon, Marie-Pascale, je ne sais pas si elle pourra venir, on espère. D'autres viendront. Catherine Spitz. De l'émission et des ateliers, ou en tout cas des ateliers alternativement, associativement vôtres, pardon. Et puis, c'est mené par deux artistes littéraires, deux autrices, Muriel Ravol, qui a eu le prix Plume de Verre, notamment, il y a 2 ans, pour Vice Versa Âme. Et qui elle est surtout auto-éditée et qui renseignera tous les auteurs qui seront là demain. Il y a un auteur de chansons même, on peut le nommer, c'est Jean-Claude Vorgy, qui lui édite plutôt des disques, des CD, mais qui peut être intéressé par une formule chanson-poésie. Et puis d'autres personnes qui sont inscrites et qui se renseigneront auprès de Muriel Ravol et de Gabriel Stellens. Alors Gab, ne pourra pas être là en direct, elle sera en visio pour des raisons sanitaires récentes qui la mettent un peu à l'écart, mais on l'aura en image, elle est en forme. Je l'ai encore eu ce matin en visio et on lui souhaite d'ailleurs un rétablissement prochain, comme à tout le monde, tous ceux qui sont un peu affectés en cette période. Donc voilà, c'est demain un échange intéressant dont je passerai aussi des extraits sûrement dans 15 jours, puisque ça peut être intéressant pour les uns et les autres de savoir, d'avoir un peu plus de tuyaux sur l'édition, l'auto-édition, si on est auteur, si on est écrivain, et si on aspire à devenir auteur, écrivain. Donc c'est l'Union des écrivains vosgiens qui organise ça au Centre culturel demain. Alors, entrée libre, il y a déjà un certain nombre d'auteurs, une bonne dizaine qui sont là et qui poseront des questions à nos deux auteurs, écrivains, que nous connaissons bien. Alors Gabriel, elle a édité aux éditions Elixiria, c'est du roman, c'est du fantastique, assez aussi terrible que sa gentillesse est très grande. Voilà, c'est comme ça, c'est souvent comme ça. Et il y a un contraste entre l'écrit, où on sort un imaginaire très lointain, et puis l'être humain tel qu'il est. Et c'est un plaisir, en tout cas, de travailler avec des personnes de cette qualité. Voilà. Eh bien, je reviens donc aux échanges qui étaient menés, Raison d'être. Pour ceux qui n'auraient pas écouté, d'ailleurs, ce sera réédité mercredi. Mercredi, c'est le combien? J'ai pas calculé, c'est le 19. Des trucs comme ça. Et donc, ouais, 19. Et donc, c'était des ateliers autour du projet d'université populaire qui s'est bien relancé, là, avec beaucoup d'idées de créativité et, bien sûr, des nouvelles actions prochaines qui vont jaillir au printemps et début d'été pour être les germes de cette université populaire vivante. Voilà donc ces débats pour une petite quarantaine de minutes et ça vaut le coup. Mais parfois avec des différences d'audition, tendez l'oreille, augmentez le poste dans ces cas. 20 minutes. Alors, je vous propose dans ces 20 minutes de rebalayer un petit peu tout ce qu'on s'est dit. Et après, de faire un petit tour de cercle, parce que tout le monde ne s'est pas forcément exprimé. Et juste que chacun puisse partager, voilà, début 2022, à partir de tout ce qu'on a dit là, de la fatigue aussi, mais peut-être l'envie, ou l'espoir, tout ça, la disponibilité que vous avez, les compétences, tout ça. Comment vous avez envie de participer, à quoi vous avez envie de participer ? Une idée sur laquelle vous vous rejoignez dans ce qu'on va dire, ou autre chose qui vous est venue, là, ou qui vous vient, et que vous aimeriez mettre en partage avec le reste du groupe. Et qu'on voit à l'issue de ce tour, eh ben, s'il y a deux ou trois idées communes qui émergent, est-ce qu'on choisit d'aller sur une ou deux actions au niveau local, départemental ou autre. Est-ce que ça vous va ? Mm-hmm. Ouais, on tente le petit voyage. Alors, vous aviez parlé. Donc, politique publique, hein, la culture comme une compétence obligatoire à tous les échelons, de ne pas être sur de la communication, mais bien d'aller sur la réflexion, de l'action dans le cadre d'un projet culturel de territoire, comment on participe à ce projet culturel de territoire, ou ne pas tomber dans des propos concernant, mais concernant, qui favorisent de la participation, en ayant les moyens. Voilà. Ensuite, vous aviez pointé du doigt l'isolement, hein, qui est caractéristique de ce qu'on vit aujourd'hui. De la nécessité d'aller vers, avec de la convivialité, en se basant sur les arts, des brigades, une boîte à outils, la question de la mixité, cruciale. Vous avez parlé d'aventures sensibles ensemble, dans la collaboration. Les spectacles voyages, avec l'idée de se déplacer. Bref, une communication tout azimut avec l'importance du bouche à oreille. Voilà. Ensuite, vous avez parlé de collaborami. Ça, c'était joli, ça. Hein, avec le jonglage. Le jonglage, mettre en mouvement un objet pour lequel il y a un risque. Donc, vous voyez, aventure, risque. Médiation culturelle, faire le lien avec l'éducation populaire. Attention au traitement administratif des subventions qui excluent des acteurs des projets. Sortir pour dénoncer, refuser la discrimination à l'accès des lieux aujourd'hui dans le contexte sanitaire, l'exclusion et la ségrégation des populations. Sortir dans la rue, se réapproprier l'espace public, enjeu majeur, comme nous l'avons vécu dans les marches fleuries. Il y a un kiosque à l'espace court, une idée. Planter des tréteaux sur la place publique, la transhumance telle qu'on l'a vécue, y aller. Rendre accessible toute communication. Donc il y a vraiment, notamment sur la question des éléments de langage, puisque de l'urbain au rural, ben, on ne parle pas le même langage, de ne pas être élitiste, mais comment toucher toute la population. Le questionnement autour du numérique, hein, en quoi le numérique favorise une ouverture ou un enfermement. Ce sont des opportunités ou des contraintes, quels bénéfices et quels coûts aussi, environnemental, social, etc. Enquête de NA, s'intéresser aux pratiques culturelles des Français, de quoi on parle, notamment sur la question de l'exclusion. La question du libre accès d'open source, qui favorise aussi le collaboratif. L'interconnaissance des acteurs, pour être en lien direct. Et vous avez proposé des pactes de coopération locale avec la valorisation des ressources locales. Travail sur le long terme, puisque le long terme, ça fait levier pour s'engager et être dans la continuité. Et enfin, les bénévoles. Donc les bénévoles, retisser et valoriser les liens entre les bénévoles, sortir du cadre d'entraînement, mais aussi le besoin d'un cadre pour sécuriser et pérenniser. L'attention à la conduite à l'animation des associations et s'orienter vers un projet commun, avoir des temps conviviaux, l'organisation pour du bénévolat, le temps dispo, voilà, bénévole tout de suite. Bonjour. La question de la gouvernance. Hop là. Redynamiser la vie associative pour de nouveaux fonctionnements, lutter contre l'inertie, avec en ligne de mire le bien-être et l'épanouissement des bénévoles. La question de la formation pour signifier expérimenter, mais aussi échanger des pratiques au long cours, toucher les autres associations qui ne sont pas forcément culturelles, éducatives, comme le sport. Et puis ça, c'est un petit peu ce qu'on vient d'échanger. Moi, j'avais mis Monde Vika, c'était juste pour y penser à vous partager ça. Vika, c'est... Nous sommes dans un monde volatile, incertain, complexe, absurde. Donc, comment, à partir de ce monde-là, tel qu'il se... qui s'est révélé à nous. Hein. Vous vous souvenez, Luc Carton, il parlait du fait que le Covid là, a permis de lever le voile sur le théâtre de nos vies. Et c'est vrai que tout ça, c'est des choses qui étaient là avant, mais qu'on ne voyait pas forcément. Et la crise sanitaire a révélé, a permis de lever le voile sur la manière dont on était, dont on communiquait, et a accentué, a aggravé un certain nombre de choses. Donc voilà, dans ce monde volatile, incertain, complexe, absurde, où on s'épuise, comment on va dégager du temps, et je vais rajouter aussi la notion de peuple, comment on va dégager du temps et du sens entre ce qui est essentiel et ce qui n'est pas essentiel, pour prendre soin de soi, de l'autre, du monde, pour se relier à soi, à l'autre, au monde, qui génère du bien-être, de la santé, mais aussi de l'énergie, du merveilleux et de l'engagement. Hop là. Alors, c'est pas du tout exhaustif, hein, parce qu'il y a plein de choses qui ont été dites que j'ai pas retranscrites. Hein, donc, mais c'est juste pour balayer vite fait. Qu'est-ce qui vous dit? Est-ce que quelqu'un a envie de se lancer, de partager quelque chose assez rapidement, mais que ce serait chouette que chacun puisse dire un petit mot, voilà, par rapport à tout ce que ça éveille, hein, là aujourd'hui, tout ce qu'on vient de discuter, et à partir de où vous êtes, en tant que citoyen, artiste, animateur, qu'est-ce que tout ça vous dit et comment vous projetez sur cette année 2022 ? Alors, pour moi, c'est très très riche d'être là parce que personnellement, enfin, en tant que bénévole, je suis en plein questionnement vis-à-vis de mes engagements ou réengagements associatifs cette année. C'est pour ça que j'ai vraiment fait ressortir la nécessité de créer du lien entre les bénévoles d'associations et les munir d'outils de communication entre eux et pour une gouvernance partagée. À cette heure-là, c'est le problème majeur que je vis au sein d'associations. Et bah, cette journée, je ne savais pas vraiment ce que j'allais vivre. J'ai lu plus de deux fois hein, l'invitation. Mais... Comme je l'ai dit au début, j'aime l'aventure. Donc... Et si je reviens au souhait que j'ai fait en début de journée, c'était je souhaitais pour moi-même et pour les autres rencontre, échange et aventure. Donc je crois qu'en rencontre, échange, c'est bien parti. L'aventure, je ne sais pas vraiment où je vais là avec ce groupe, mais c'est ça, c'est très bien comme si ça. Si tu savais d'avance, ça ne serait plus une aventure. Aventure avec ses plaisirs et ses écueils. Voilà. Moi, je voulais revenir un peu sur le Covid parce qu'effectivement, il y a cet effondrement de la... On peut parler d'un effondrement de la culture, hein. C'est quand même grave. Et alors, il y a plusieurs choses qui... il y a déjà le questionnement des politiques, parce qu'il y a des programmes en ce moment, hein, qui s'inscrivent, voilà, des échéances, et on ne voit pas arriver beaucoup la culture. ça c'est une chose. Je sais pas comment ça peut se vivre, mais chez les gens, le premier confinement avait aussi mis un coup de frein à une espèce d'emballement. La société où on réfléchissait plus à rien, où on était toujours entre deux choses à faire. Et ça fait des émergences de projets aussi, parce que d'un seul coup, on avait du temps pour réfléchir, parce qu'on était coincés. Ou sur soi, ou sur les associations. Alors, à la fois, il y a un aspect très négatif dans la vie, mais il y a le fait d'avoir du temps de réflexion, qu'on ne comprenait plus parce qu'on courait toujours après 50 000 choses. C'est important. On a ralenti la société à un certain moment et il faut en voir les côtés, peut-être quelques aspects positifs de ça, pas que du négatif. Bon, je me fais l'avocat du diable là, hein, par rapport à ce qu'on a vécu. Maintenant, moi, ce que j'aime bien dans les... Moi, je suis issue de la pédagogie freinée, hein, donc c'est faire, et puis travailler de manière empirique, on apprend de ses erreurs, et c'est important de faire ensemble, c'est important. Après, on ne réussit pas, mais un échec, c'est déjà une expérience, c'est déjà un résultat, c'est déjà avancé. Et puis on rebondit, puis on améliore, et puis... Voilà. Parce que la culture est quand même très... quand on entend le discours politique, c'est beaucoup, beaucoup de baratin et peu d'action. Et c'est ce qui nous est renvoyé sans arrêt. Moi, quand je disais, mais il faut réfléchir. Ah, ben voilà, on va repartir pour une réunion. Enfin, bon, chaque fois, on me renvoyait ça. Et je me suis dit, il faut que je trouve un autre biais pour avancer et faire quelque chose ensemble. Pour moi... C'est la source de départ d'une réflexion. Enfin, je trouve. Alors, toi, Arlette, puisque tu parles du sang politique en 2022, c'est vrai que moi, je faisais partie des gens qui souhaitaient que l'université populaire ait lieu en 2022 et pas en 2023. Et justement, je rebondis là-dessus, sur le constat que tu fais qu'on ne parle pas trop de la culture, c'était quelque chose qui paraît quand même essentiel à nous humains, et dans le cadre de la Covid, on a expérimenté à quel point voilà, ça nous faisait du bien, hein, contribuer au lien social, évidemment, enfin, tout ce qu'on a déjà travaillé dans les journées. Hein. Ah ben allez, brigade d'intervention, machin gesticulé, allez, on débat politique, puisque le débat politique, il n'y aura pas de passe. Ah, chouette. Et donc on crée des brigades et on interroge, et en interrogeant ces politiques-là qui font des débats, au moins peut-être on parie sur le fait qu'on va sensibiliser le public qui est là avec oui, nous. Oui, parce que les hommes politiques... Donc franchement, moi j'en reviens pas, et d'ailleurs... L'autre jour, je suis allée voir le documentaire qui était organisé par L'eau qui mord au centre culturel à fin décembre. Et le centre culturel a décidé que c'était une réunion politique, donc pas de passe sanitaire. Chouette. Il suffit d'appeler ça. Donc il suffit. Ouais. Et le centre culturel a accepté tout ça parce qu'il y avait des représentants de la France Insoumise et tout ça parce qu'il y avait des représentants de la CGT. Mais sur le débat sur l'eau, tu voulais dire. Oui, mais pour moi, ce n'était pas une réunion politique. Donc tu vois un peu comment on peut détourner les choses. Et ça a été accepté. Le préfet, enfin voilà, personne ne nous a rien dit. Et du coup, moi, j'ai envoyé des SMS à des gens qui n'étaient pas vaccinés pour leur dire, mais venez. On vous demandera rien. Et donc, du coup, les réunions pour les présidentielles, c'est annoncé, en plus, le Conseil constitutionnel a déjà alerté sur le fait qu'il faut rendre public. Donc, il n'y aura pas. De toute façon, c'est anticonstitutionnel. Tous les meetings politiques, il n'y a pas de passe sanitaire. Et ben, tu vas dans une mairie, tu n'as pas de passe sanitaire. Tu vas à la bibliothèque juste à côté, tu en as un. Voilà. Donc, peut-être que nous, là, saisissons-nous de ça. Saisissons-nous de ça pour aller. On a envie d'aller dans d'autres lieux que les théâtres. Bah allez, allons-y. Hein. Ok, vous avez effectivement chacun un jeton de deux minutes. C'est ça. Je ne parle plus, voilà. Alors, je repense à ce que tu as dit là. Pour moi, cette journée, c'est aussi faire un petit peu plus, comment on appelle ça, l'image nette, enfin, vous savez, une mise au point. Voilà, une mise au point sur, sur justement ce que mon chemin vers, voilà, vers un, des engagements bénévoles plus importants et ce à quoi je vais. Et du coup, je repars de là, ici, avec. Des idées plus claires sur ce que je veux pas. Déjà. Et ce à quoi il faut que je sois vigilant. Et puis par rapport aux politiques, moi je serai moins optimiste parce que je pense que nous on a peut-être arrêté de cavaler. Enfin moi je cavalais pas trop, mais. Les hommes politiques, eux, ils n'ont pas arrêté de cavaler, ils n'ont pas arrêté de, voilà, de dire un peu n'importe quoi et son contraire, et puis de pas prendre le temps de lire, pour dire, voilà, de lire, réfléchir. Donc voilà, peut-être si ça dure encore un peu, ils vont y arriver. Et puis, mais bon, il y a les élections, voilà, et donc ils vont continuer à cavaler, puis la crise sanitaire leur a servi à rien, en fait. Ah, c'est pessimiste. Bah, c'est ça, mise au point. Quand on voit. Enfin, voilà, donc ça. Mais bon, moi, je suis quand même je suis contente de cette journée, voilà, parce que j'ai un outil là dans ma tête pour regarder le paysage, dans, enfin, l'environnement dans lequel je veux m'orienter mieux, quoi, en ayant avec un outil d'interprétation. Et puis sinon, je pense que voilà, le plus important, c'est créer, garder des liens et agir. Voilà, agir. Parce que comme quelqu'un a fait part, j'ai vu ça, de quelqu'un que je connais, les gens se souhaitent la bonne santé pour la nouvelle année, mais la santé, pour quoi faire ? Voilà. Donc, moi, c'est la santé pour agir, pour les autres. Et avec les autres. Du coup, qu'est-ce que je veux dire ? Ton prénom, c'est ? Hervé. Hervé. Ouais, j'ai pas mon scratch. De... Merci. Ça va pas du tout. Alors, je savais pas du tout où je mettais les pieds. L'université populaire, je sais pas ce que c'est. Mais maintenant, je crois que je sais pas encore plus ce que c'est, mais ça me donne des idées. Des idées, en tout cas. Et je sens, ça fait écho en moi quand on parle d'épuisement. Mm-hmm. Ça me parle, ce mot est intéressant. Et là, en fait, ça m'a donné beaucoup d'énergie de voir faire des scènes des mini-scènes de théâtre. Parce qu'à partir de ce moment-là, je trouve qu'on est déjà en fait en train d'agir. À partir du... Je crois pas en grand-chose, mais je crois beaucoup au théâtre. Enfin, je viens de là, mais c'est, bon, c'est clair, c'est pas une blague. Hein. C'est et je crois que c'est une, c'est, voilà, c'est des manières assez concrètes, je trouve, d'agir et de se retrouver. Et ça donne beaucoup d'énergie. Alors voilà, je sais pas, je peux rajouter de plus. Mais et oui, et je voulais dire aussi que je pense que effectivement dans le lien social, je pense qu'il provient d'abord de, enfin, il se cultive dans l'action, et que là j'ai l'impression de rentrer dans un cercle de plein de gens qui sont très moteurs, et ça donne beaucoup d'énergie et d'envie d'agir du coup. Oh, mais c'est bien, merci. Mais donc de rien comme ça, ça. Il y a ça, ça vaut le coup. Voilà. On se voit. T'as compris le sens du collectif raison d'être. C'est déjà 80% de l'effet recherché. Je réagis parce que moi je suis un peu dans cette optique là aussi, le lien entre nous là aujourd'hui, beaucoup de réseaux, parce que c'est ce que j'étais venue chercher aussi à la base quand tu m'avais invité pour d'autres réunions. Et du coup voilà, cette idée de réseau et de lien, et du coup on a parlé de bouche à oreille, parce que de parler de dire tiens, j'ai été au café associatif, voilà, et j'ai parlé ici, et bah ça, et ben mine de rien, on sème des petites graines, et moi dans mon petit patelin où je travaille, et ben mine de rien, en fait, après il y a des gens qui viennent me revoir en me disant, hé, mais dis donc, tu m'avais parlé de ci, tu m'avais parlé de ça. Et c'est des journées comme ça qui font vraiment du bien, de se connaître, de voilà, et peut-être de se reconnaître à un autre endroit, et du coup de voilà, de partager ensemble. Et effectivement, ça. Ça redynamise dans cette période un peu sombre, comme partir à fond mouillé sur quelque chose. Et en parlant de. Enfin, tu parles de mois de mai. La prochaine réunion. Ah oui. Très concrètement, sur l'idée de faire une. Qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on construit. Moi, je trouve intéressante l'idée d'une journée, effectivement. Donc comme on a parlé, donc mise en lien avec le calendrier, alors qu'est-ce que j'ai noté ? Donc 14 juillet citoyen, carnaval des idées, 1er avril de l'esprit critique culturel, enfin peu importe, une journée en tout cas, et qui voilà, co-construite avec, je pense qu'on a, il y a beaucoup de créativité autour de cette table, et puis dans ces associations, et je pense qu'un des enjeux clés, c'est d'utiliser le. Alors, je ne sais pas si c'est ça, mais en tout cas d'avoir une communication vraiment originale. Mmh. Et pourquoi pas utiliser, là je rejoins ce que tu disais Hervé, utiliser le spectacle vivant pour cette communication avant la journée, puis, voilà, d'utiliser, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'expertise là, sur ce sujet-là. Et que la communication en bénéficie, je pense que c'est peut-être une des portes à ouvrir. Et du coup, j'ai pas compris, le spectacle. Avant la journée, oui, c'est ça. Objet de communication. Quoi. Un objet de communication. Ouais. Après, parce que mais, pour rebondir là-dessus, avant moi j'ai pensé à ça, mais on est parti sur autre chose. Mais je ne sais pas si vous connaissez le concept du théâtre forum. Oui. Ça vous parle. Ouais. Et je trouve que c'est un outil intéressant justement pour pas rester. Oui. Ça vient de. Tu peux expliquer, Cécile. Oui. Alors rapidement, c'est une pièce qui est jouée. Une première fois, et ensuite elle est rejouée, et quand elle est rejouée, les spectateurs peuvent intervenir pour changer l'issue de. Voilà, ils jouent les personnages et ils modifient les conséquences, mais ça, il faut que ça fasse écho à ce qu'ils vivent, quoi. C'est des thématiques que les gens, les habitants. Bah, c'est souvent autour d'une problématique. Ouais. Hein, on peut une problématique et une scène qui est jouée. Ouais. Maintenant, il y a aussi, on fait voter aussi les gens et on les fait changer tel personnage ou on peut aller prendre la place d'un acteur et rejouer la scène différemment. Voilà. Là, je trouve ça intéressant. Juste pour terminer, je trouve ça intéressant d'exploiter ça aussi parce que là, on est entre nous, on a notre culture, on a notre façon de voir. Mais aller vers les autres, c'est finalement c'est ça aussi, c'est alors leur permettre de s'exprimer sur la culture, peut-être d'une façon autre que ce qu'on a l'habitude de faire et pouvoir entendre aussi ce qu'eux ont à dire. Ça n'empêche pas effectivement à la fois une communication très vivante et ce dont tu parles plutôt le jour. Maintenant, si vous voulez, j'ai une proposition à vous faire. Je fais un spectacle le 23 mars. Alors, je parle volontiers de vous. Comme je n'ai pas encore écrit toute la scène, si vous voulez. Maintenant, dans l'attrait que nous pouvons avoir de la population cosmopolite, du lien social, de l'inventivité, de la créativité, il s'agit d'un spectacle qui a lieu au Lavoir Théâtre le 23 mars. Alors déjà, vous êtes tous invités, bien sûr. C'est important. Et puis, qu'en pensez-vous 50 mètres d'ici. Oui. 100 mètres peut-être. Comment je peux investir de ma mission à parler de réseau d'être à l'intérieur? C'est à la place des 4 mètres. Par exemple, qu'est-ce que je pourrais dire qui vous plairait? Alors, avant de le mettre en, oui, voilà. Ah oui, en discussion, pas la question, je propose qu'on termine le tour. Oui, oui, tenons un tour. Je marque vos idées concrètes et puis après, on va voir hein, comment on travaille. Moi, Louise. Oui, moi, je rebondis sur, sur Olivier. Je suis d'accord. Parce que du coup, on a parlé beaucoup. Il me semble que ce qui est un peu nous traverse, y compris les différentes thématiques qu'on a abordées, c'est la question d'élargir le cercle, en fait. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on est un certain nombre, mais ça ne suffit pas. Et on identifie énormément de problèmes et de souffrances du monde associatif, du monde culturel. Et donc, du coup, si on est les premiers à s'en rendre compte et si on a quelques idées pour que ça aille mieux, comment est-ce qu'on peut aller chercher ceux qui auraient besoin de nous ou qui pourraient être ressourcés par les mêmes démarches que ce qu'on a fait aujourd'hui? Et donc aller vers, tout à fait. Et donc, du coup, je pense que, voilà, on s'est dit plusieurs fois qu'il était nécessaire que ce soit nous qui bougions, que visiblement, c'était difficile qu'on vienne à nous naturellement. Donc, peut-être que c'est à nous d'aller vers d'autres pratiques. Donc, brigade d'intervention, théâtre forum, je ne sais pas. Ouais. Moi, j'aurais tendance à dire, allons dans le concret, lançons un groupe de travail sur la thématique. Voilà, lançons un groupe de travail sans aucune autre idée que de se dire comment on fait en fait pour que ça se mette en œuvre très concrètement, pratiquement. Voilà. Avoir cet outil-là, parce qu'il nous paraît assez cohérent par rapport aux différents axes. Voilà, et après, une fois qu'on l'a, après, c'est top, on peut l'utiliser à plein de moments, à plein d'endroits. Avec l'idée que la com avant, elle est comprise sur des modes comme ça, opérationnels, comme ça. Et moi, ça m'intéresse. Ah ouais, mais pour le coup, parce que c'est ça que stop. J'ai utilisé votre jeton. Merci. Oui, et attends, je vais juste pas terminer, parce que je plus sois aussi ce qu'a dit Arlette, parce que à mon avis le moment politique est quand même super important, et que voilà, il se gêne pas la FNSEA d'être super présent dans le débat, il se gêne pas les lobbies de je sais pas quoi d'être super présent, et le lobby de la culture il n'existe pas parce qu'on était gentils, mais il faudrait, et que donc du coup je pense qu'on a un rôle à jouer et qu'il faut qu'on trouve aussi le moyen d'organiser ça, et que si nous qui sommes acteurs, sommes dans la merde, personne le fera pour nous. Donc c'est à nous d'aller taper à la porte, c'est à nous de dire qu'on existe. Et on le sait que toutes les fois où le collectif Réseau d'être l'a fait, ou d'autres le font, à la fois nationalement et localement, on sait que ça produit un effet diffus qui est important, ne serait-ce que dans le discours. Au moins c'est dit, au moins c'est entendu, et ça pousse les élus à quand même garder à l'esprit qu'ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Qu'il y a une limite qui est posée, parce qu'il y a des citoyens qui l'ont dit fort et qui l'ont dit publiquement. Et donc en fait, c'est de la résistance, hein, c'est-à-dire qu'on ne fait que marquer que là, il y a des gens qui surveillent, il y a des gens qui sont vigilants sur ces questions-là. Et oui, ça ne fait pas avancer, parce que finalement, il y a plein de sujets qui n'avancent pas, mais pour autant, on a marqué une limite. Et ça, c'est essentiel, parce qu'on est dans un monde tellement pourri qu'il faut le faire. Et donc, ça prend du temps, c'est chiant, c'est pénible. Mais il faut le refaire à chaque fois, à chaque élection, il faut le refaire. Mais au moins, ça nous booste. Béatrice. Ouais, alors moi ici je suis en observation. Je ne connais pas non plus l'université populaire et le travail tout ce que voilà, mais je découvre. Pour moi ça reste quand même assez conceptuel. Donc, comme tout ce qui s'est dit jusque-là, c'est vrai que la santé c'est un gros point, mais il ne faut pas oublier qu'on vit beaucoup plus longtemps qu'avant. Donc l'épuisement effectivement il est là et on a énormément d'informations sur informations. On veut intégrer l'outil numérique parce que ça nous est imposé. Et l'idée du théâtre là, l'idée de ce qu'on a fait justement pour ce que vous avez proposé pour mettre en introduire chaque thématique, et finalement, je trouve vraiment super. Je ne pensais pas ça au début, que les paroles ont été prises parce que ouais, c'est le moyen justement de faire de la culture, et non pas d'en parler. C'est le moyen de parler de choses de manière détachée, et pas impliquée. On a tous des problématiques, je crois, plus ou moins. que effectivement tout est mouvant, tout est évolué, enfin tout évolue et on ne sait pas comment. Voilà. Et remettre le. Du coup, ça a un super sens de remettre les choses sur le centre de nous-mêmes, quoi, chacun de nous. Voilà. Moi, je peux rebondir un peu sur plusieurs choses qu'il y a. Oui, tu avais déjà parlé, mais tu voulais peut-être. Alors, rapidement. Oui, enfin, c'était aussi. Ça rejoint un peu plusieurs choses qui m'étaient dites, mais oui. C'est. On nous focalise souvent sur ce qu'on n'a pas le droit de faire, ou sur ce qu'on ne peut pas bien. Sur, enfin, on en a parlé, je ne sais plus avant. Et puis, ben, je ne sais plus qui c'est qui évoquait, par exemple, le fait d'aller. On a le droit d'aller dans un équipe politique. Et ce genre de choses, c'est intéressant aussi de s'interroger sur. Enfin, on nous met des œillères, et ben, essayons d'enlever ces œillères et de voir tout ce qui est possible et comment faire les choses autrement. Je dis qu'en fait, parce que tu parles de numérique, et puis que là, on n'est pas obligé de faire avec le numérique, on peut faire autrement. Et garder cette ouverture d'esprit d'imaginer des choses en dehors de ce sur quoi on focalise et sur quoi on n'a pas le droit de faire ou ce qu'il faudrait faire. Donc, je ne sais pas si c'était passé. Je peux rajouter juste un truc très rapidement, puis après Vincent. Et c'est, en fait, ça rejoint Jean-Baptiste Poquelin, Molière, et j'ai souvenir d'avoir entendu quelque chose qui disait qu'à un moment donné, on a enfermé la culture dans des salles, et à ce moment-là, on l'a rendue payante et élitiste. Et du coup, on serait approprié en extérieur, des lieux comme ça, comme de rendre aussi la culture populaire. Les éléments gratuits, Vincent. J'ai plusieurs idées qui me viennent de tout ça. Oui. D'abord, il y en avait déjà une Transhumance 3 qui commencera déjà le 12 juin où on a une fête de la voie verte sur l'Amazon qui elle-même rejaillit de la Transhumance 2. On avait fait ça dans la Transhumance 2 sur la Moselle, bon, avec tous les arts le long de la voie verte. Bon, c'est déjà en cours. Et c'était un peu. Et là, malgré tout, avec l'aide de la Comcom, on n'a pas que des freins institutionnels. Bon, mais ça. Je voulais en parler, mais. Et puis, je voulais parler aussi, mais il y a des tas de pistes. Des esquisses de réinvestissement autour du théâtre du peuple, de la notion de théâtre du peuple, qui avait été lancée l'année dernière, par d'autres que nous d'ailleurs, par les intranquilles de Franche-Comté, qui sont venus jusqu'à Bussan, on y a participé aussi. Là, il y a un réveil avec Jacques Lifchine, notamment, que certains connaissent. Il y a un réveil, mais tout de suite, il me vient dans l'idée de la didactique épuisement énergie. Ben, effectivement, épuisement et énergie parce que épuisement. Et là, je crois que Louise a abordé, et on a abordé l'idée d'une politisation de la culture, et ça serait immédiat. Il y a un an, on lançait les marches fleuries, c'était, si je peux dire, la météo sociale du temps. Qui s'est imposé, là je crois qu'il s'impose une manifestation politique du culturel. Là, bientôt, peut-être à Épinal, parce que c'est Épinal, au théâtre, peut-être au théâtre, ou je ne sais pas comment, avec peut-être un peu de théâtre autour, encore que là, dans la rue. Voilà, dans la rue, ouais. Ce qui a été fait, je crois qu'il faut y aller. Voilà. Je crois que c'est ça qui me paraît l'immédiateté de la démarche. Voilà. Moi, je voulais dire qu'on ne pourra pas arriver en 2023 sans avoir créé des événements qui soient un petit peu comme des petits cailloux qui nous amènent à 2023. On n'arrivera pas à faire une université populaire si avant on ne programme pas un certain nombre d'événements qui y préparent et qui nous y amènent. Alors peut-être que la démarche politique, on va le vivre, donc on est dedans. Ça serait un élément, mais il faut imaginer que cet été on puisse faire quelque chose, que l'automne prochain on fasse quelque chose. Enfin, il faut qu'on ait des objectifs en intermédiaires, quoi. Parce qu'autrement, on tirera pas du monde comme ça d'un seul coup. C'est à force, et chaque fois il faudra répéter un peu un même slogan ou une même. Ou même enfin même Merci Géo. Qui ne s'est pas exprimé? Non, je suis très contente d'avoir participé à cette journée. Je venais un peu en découverte, un peu pour rencontrer des gens, faire un peu un réseau aussi. J'ai pas d'idée précise. Après, il y a des petites choses qui me parlent sur voilà, se réapproprier la rue, faire des choses dans l'espace public, etc. Interpeller, aller vers les gens. Donc à voir, je suis prête à revenir, à donner mon temps, à m'investir, puis voir comment ça va se dérouler. Merci. Moi je suis contente de voir toutes ces couleurs, tous ces super, toute cette créativité. Un des freins, on l'a évoqué de cette manière-là, en tout cas moi je me sens vachement freinée par le masque. Genre, je me sens super oppressée en fait avec un masque. En fait, je suis chanteuse et pour moi la voix c'est super important en fait. Enfin, c'est ça qui me fait vibrer et qui me fait résonner en fait. Et en fait, depuis ce matin, je me suis dit, ok, s'il y a l'ouverture pour parler, je n'en ai pas. Et en fait, ça m'amène beaucoup d'émotions, enfin, ça m'amène un stress. Et socialement, je veux dire, j'ai l'impression que j'arrive plus socialement à trouver des cercles de confiance pour être moi, en fait. Que ce soit par rapport à ça, ou ce matin, genre, j'étais en vélo, il faisait nuit, j'avais plus de lumière, et je me suis fait insulter par une voiture qui m'a doublé. Enfin, je trouve qu'on... Il y a beaucoup de violence partout et je limite parfois mes rencontres parce que je me sens pas en confiance en fait. Et je trouve ça assez triste. Et je pense pas être la seule dans ce cas en fait, mais enfin voilà. Alors c'est une chose que j'avais envie de partager avec vous. Là, parce que j'ai quand même eu de la confiance. Et sinon, donc mon outil c'est la musique et le chant. Et en parlant d'action et tout ça, enfin la voix, je veux dire, c'est quelque chose dont la plupart des gens disposent et qui nous fait vibrer et qui nous met vite en relation. Du coup, s'il y a des choses à faire avec ça, enfin moi je suis vraiment partante, voilà, de créer des choses autour de ça. Ce projet est super, enfin, je trouve ça génial que d'avoir un projet aussi vaste, aussi grand, avec autant d'acteurs différents. Maintenant, moi, ce qui me donne envie dans cette histoire du bénévole, parce que du coup, je travaille dans la culture et que je passe beaucoup de temps à faire autre chose que mon métier d'artiste, donc ça me travaille sur un ordinateur. J'ai vachement envie de simplicité et de venir là en tant qu'artiste, en fait, et pas en tant que autre chose, quoi. Voilà. De simplicité. Voilà. Merci. T'as pas vu ? Non. Je vais poser la question. Si je compte les mots que nous avons employés, à part Marion, j'ai parlé beaucoup plus que tout le monde ici. Je vais dire que moi, je suis arrivé ce matin, c'était vraiment une éponge sans humidité. C'est-à-dire elle est légère. Sans eau. Ça pèse rien. Oui, sans humidité même, toi. Même pas sans eau. Parce que eau, ça veut dire qu'elle voit déjà l'humidité. Là, non, c'est même imprégné d'un petit brouillard. C'était sec. C'est vrai, presque pas envie. Les projets qui sont en train de se mettre en place, voilà, c'est ceux sur lesquels moi j'aurais envie de m'y mettre. Voilà. Aller ailleurs, rencontrer des gens, et puis essayer de convaincre, de mettre ça même entre guillemets. Et ici, Olivier l'a dit, il y a vraiment plein d'idées de création ou d'envie de création dans un rapport autre, à l'autre. Et d'utiliser vos outils qui sont les vôtres, effectivement, ceux sur lesquels vous êtes complètement passionnés depuis le temps que vous les faites pour certains, que ce soit la voix, que ce soit le théâtre, que ce soit la... Ah, moi j'ai vu Hervé jongler avec des gamins comme ça là, et puis jouer avec des cerceaux. Il y a plein de choses à faire effectivement. Et ça, c'est réjouissant parce que là, il y a tout le monde qui vient, effectivement. Je les ai vus dans un autre endroit, effectivement, où là, bah, c'était les parents qui étaient tout autour et puis qui se sont mis aussi à faire avec les gamins. Oui. Quoi. Et donc voilà, allons porter des lieux comme ça et puis croiser, ce qui n'est pas forcément simple, effectivement, comme le Théâtre du Peuple a fait pendant longtemps, les professionnels et puis la ressource à vivre que peut être le bénévole autour du théâtre, quel que soit le nom qu'on lui donne, effectivement, qu'il ait envie de jouer ou pas, hein, qu'il soit uniquement le gardien du parking ou pas. Et là, il y a vraiment, voilà, faut démonter un tout petit peu les idées reçues qu'on peut avoir, et c'est pas forcément très très simple. Mais pour moi, c'est important qu'on, pour l'avoir fait à Contrex, qu'il y ait une initiative locale sur laquelle on puisse s'installer pour aller faire du compte, ou faire vivre, je sais pas moi, un moment de Qigong sur le bord d'un plan d'eau, alors que c'était pas prévu. Brailler de la poésie dans la forêt. Et brailler de la poésie dans la forêt, quoi. Et inviter les gens à le faire, parce qu'on a distribué des petits trucs pour que tout le monde puisse le faire, et même s'ils prennent pas la voix, ils ont quand même vu. Donc, voilà, osons faire des choses qu'on n'a jamais faites, quoi. Mais pas forcément toujours à Épinal. Donc ça nous demandera des efforts pour aller un petit peu ailleurs, quoi. Et rencontrer et convaincre d'autres mondes ailleurs. Et puis le kilomètre autour de chez soi, comme quand on était confiné. Ouais. C'est déjà beaucoup. Donner un aspect positif de la culture, montrer toute sa richesse, toute sa pluralité, comment ça nous nourrit, tout cet aspect-là qui est positif. Ben là, on aurait de quoi monter un festival. Vraiment, ça fait bien à tout le monde. Et ça fait une spontanéité aussi qu'on peut faire, voilà. Préparer des projets. L'expérience que vous avez vue ce matin et que Marion a proposée, c'était pour faire vivre cette expérience-là, effectivement. Regardez le doute par lequel vous êtes passé. Avant de le faire. Hein, regardez. Bon, avant de le faire, et puis la réception de ce petit billet-là. Moi qui suis un grand observateur, je peux vous dire que c'est. Eh bien, imaginez les gens, ça va être pareil. Hein. On sait bien que là, voilà. C'est... Alors, les amis, il me reste un quart d'heure. Moi, j'ai noté plein d'actions possibles. Peut-être qu'il y en a qui manquent. Je les relis. Et puis, si vous avez d'autres idées qui sont là, ben, vous me le dites et je prends encore le reste des papiers. Ça marche. Et après, comme il y en a pas mal, ben, on va faire de la pondération. Donc, je vais vous donner 3 gamètes à chacun. Et vous irez choisir 3 projets sur lesquels vous avez envie d'aller pour cette année 2022. Et puis après, ce que je vous propose, c'est s'il y a des petits groupes qui se dessinent, on pourra caler des dates pour se donner rendez-vous pour faire avancer les projets. Mm-hmm. Ça vous va, ça? Alors, donc du coup, dans tous les 10 pêle-mêle, hein, donc c'était des idées, donc il y avait une cahiette de l'errance, je vais les mettre sur la table, hein, comme ça vous pouvez tourner autour de la table et puis ensuite mettre-vous de mettre dessus. Vous aurez le droit à 3 gommettes, pas plus, on va pouvoir choisir. Et on peut mettre nos 3 gommettes sur la même idée. Oui. Ou est-ce qu'on est obligé de mettre les 3 gommettes pour booster 3 idées? Tu veux quoi? Non, mais je vais mettre une question pour le groupe. Okay. Je cherche une paire de ciseaux. Cahier de Léance, 14 juillet, citoyen. Lobby culturel, Sénet. Tu veux le refaire? Ouais. Casque culturel, bonjour. Brigade d'intervention. Attends, mais ça se rejoint. Oui, ça se rejoint, la Sénat et Brigade d'intervention, c'est pareil. Ouais, oui, c'était dit par des personnes. Pas forcément. C'est un truc plus large. Pas forcément. C'est quelque chose de plus large. Ok, je sais pas. Bah, Sénat, c'est Hervé qui a parlé de... Théâtre Forum. Tu veux que je fasse une découpage? C'était Théâtre Forum, Cécile a rebondi dessus. Alors, je vous dis tout. Moi, je fais Nicolas, je fais Kai. 1er avril, on verra quelle forme ça prend. Conférence gesticulée, carnaval citoyen, spectacle à voir théâtre, Théâtre Forum, Théâtre du Peuple, musique et voix, se réapproprier la rue, manif politique culturelle, Front du Mans, numéro 3, Voix verte. Est-ce que vous avez d'autres idées? Non, mais je pense vraiment qu'il faut faire. Il y en a qui vont ensemble. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres idées? Parce qu'il y en a qui sont transversales quand même. Mais oui, moi je peux en proposer une. Organiser un festival à Théâtre Forum, moi je peux animer par exemple. 3 séances de 4 jours, par exemple. Alors, sur le comment on va faire, on va voir. Ah oui, ça, c'est le comment. Là, c'est juste, est-ce qu'il y a d'autres idées que vous avez envie de mettre en œuvre pour cette année, pour aller vers cette université populaire, ouvrir, etc. Oui, quand même, activer le territoire. Une chorale. Hein. D'accord. Comme est-ce que je rajoute réveiller le territoire. Est-ce que ça peut être... J'avais pas fait... Ok, rajoute chorale. Ouais. Ok, chorale. En amont des présidentielles, moi ça. D'autres choses. Il y a une formulation en amont des présidentielles, oui. C'est maintenant. Là. C'est ça. Voilà. Tout à l'heure, on a dit maintenant. Il y a le lobby culturel, est-ce que ça va avec? Ah, ben bah, si tu ne dis pas trop ce que ça veut dire. Politico-culturel, tu veux dire. Deux secondes, est-ce qu'on peut remettre juste le masque pour les photos? Ah, pardon. Brigitte Blair, qui est journaliste indépendant. Sinon, on aura les commentaires. Non, on a déjà donné avec HK. Et puis, comme on avait comme slogan pour les marches fleuries, c'était « Sous les pavés, la plage, sous les masques, nos sourires ». Et le sourire dans les yeux. Sur le biculturel, je rajoute en amont présidentiel. Hein. Ouais. D'accord, okay. C'est en lien avec la politique. Oui, il y avait, tu sais, un vieux slogan, un autre monde est possible. ils n'ont pas su que c'était impossible alors, en fait. Non, simplement, j'ai pas beaucoup parlé de la voie verte. C'est ça inclut, oui, c'est un projet qui est déjà en route, ouais. Qui inclut tout théâtre, toutes les formes artistiques qui est possible avec Ballast, avec plusieurs associations culturelles, la FNCTA, CD88, plusieurs troupes de théâtre, des artistes musicaux, des balades sur la voie verte, bien sûr, et un tas de choses qui est un événement déjà en route. Hein. Donc je veux dire que c'est pas... Donc il ne faut peut-être pas le mettre en tant que tel. C'est pas une idée de réseau d'être. Mais non. C'est une idée qui a un lien avec éventuellement... C'est une idée que j'ai lancée l'an dernier par réseau d'être. On a lancé par réseau d'être. C'est un événement où on peut... C'est un événement réseau d'être. Voilà, donc c'était la conclusion, enfin pas la conclusion, vous l'avez entendu tout à l'heure, c'était les débats qui ont abouti en fait aux conclusions que je vous ai fait entendre au début de l'émission. Alors, vous pourrez réécouter tout ça mercredi prochain en rediffuse. Alors, le début sera consacré effectivement à toutes les résolutions de réseau d'être, et puis vous pourrez réécouter encore ce débat qui finalement a eu le mérite d'être enregistré, et pas mal je trouve. Enfin voilà, c'était beaucoup d'idées qu'on a retrouvées et c'était intéressant. Et ben là, sur un chant corse, je termine la nuit et vous dis bonsoir avec quelques minutes de plus que l'horaire qui m'est imparti. Buonanotte, bambinello, une berceuse corse pour vous endormir. Arrivederci, à bientôt et à toujours. Et bonne année. Comme on dit en Provence, bon anado, bien granado. Bonne année, bien granoteuse, bien graineuse, bien pleine de vie. Et voilà.